Hey yo, what up, c'est Dirty Taz, a.k.a. le super sexy MC, a.k.a. le Black Brad Pitt. T'écoutes le 70%, tu connais le time, mon gars. Les jeudis douteux. Chaque jeudi à l'Atomique Café, 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis. Messieurs, c'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Pour vrai, JF Cardinal et Jocelyn Thérien, deux musiciens d'expérience qui ont accepté de venir nous faire une trame sonore pour ce 10 ans de 70%. C'est de toute beauté. Ouais, c'est de bon ton d'applaudir. Ben oui, ben oui. Ça fait 10 ans que... Au moins une fois par semaine, non, en fait, la moyenne, non, avec les extras qu'on a fait et tout, ce que j'essaie de venir, c'est comme le ratio de semaine versus 70% que j'ai fait. On est assez tight. Là-dedans, le plus vieux qui reste, qui était là au début, c'est mon bon chum Bruno Corbin. Salut Bruno, qui est venu prendre la relève. Il est venu prendre la relève à saumure fécale bien visqueuse quelque chose comme un an après que ça allait commencer. En fait, on va commencer 70% tantôt sûrement en parlant de ça. Et d'ailleurs, il y a quelqu'une qui est absolument pas au courant, qui est en train de vivre un 10e anniversaire de quelque chose. C'est notre invité de ce soir, c'est Sinem Cara, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, ça vaut la peine. Elle va venir nous rejoindre un peu plus tard. Elle va venir nous rejoindre un peu plus tard. Mais la soirée va se terminer par un excellent long métrage parce qu'il y en a qui me connaissent et ces temps-ci, je suis dans un trip Kaiju, les films de gros monstres, et j'ai décidé de réécouter tous les Godzilla en ordre. Et je suis rendu, à un moment donné, à celui de 1964 qui s'appelle Godzilla contre King Ghidorah. C'est vraiment bon. C'est le long métrage qui va terminer notre soirée. Juste avant, il va y avoir deux VJ qui vont se partager le temps d'antenne, c'est-à-dire l'excellent Maxime Soriol. On l'aime beaucoup. Et bon, gardez ça pour tantôt quand il va être là. Il va y avoir moi qui va prendre la relève à Rémi Rifard, mais c'est pas pire parce que je connais ça 70%, fait que je vais pouvoir vous faire peut-être vivre un petit peu une évolution semi-chronologique et de ce que ça me tente de voir de nos belles 10 années qu'on a vécu tout le monde ensemble, excluant tout le monde d'autre que moi. Donc, 70%, et juste avant, pour commencer une soirée qui s'annonce mémorable, là, je commence à être pompette, s'il vous plaît, là, j'ai besoin de vos applaudissements pour l'unique Alexandre. Je pouvais rien dire, on vivait un moment, mon gars. Excellent, pour vrai, bravo. Tommy aussi, que j'adore, il est excellent. Ben oui, c'est pas que le paquet, on aime ça. Non, mais il a passé un super presque parfait, il y a pas long, puis c'est comme ma mère écoute beaucoup cette émission-là, puis elle m'a vraiment dit, « Ah, tu dirais à Tommy que c'est vraiment quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'attachant, quelqu'un qui est vraiment qui a l'air d'une bonne personne. » Puis... Je le sais, mais le problème, c'est qu'elle n'a jamais dit ça de moi. Tu me donneras ça, comment être attachant. Je suis venu vous parler d'une couple d'affaires. Sinon, moi, je suis quand même content que l'évolution humaine a eu lieu. Parce que, tu sais, mettons, tu checkes les crocodiles. 167 millions d'années d'existence. Toujours un seul objectif. Manger. Moi, je suis à peu près certain que ce qui se rapproche le plus de l'ambition pour un crocodile, c'est d'essayer de manger une très grosse antilope. Merci, ça va être con de même tout le long. Mais je suis surtout content qu'on soit plus rendu au stade genre de chasser notre nourriture parce que pendant que les hommes chasseraient le gibier, je serais probablement avec les sages-femmes en train de cueillir les baies sauvages ou morts. Un ou l'autre. Sinon, je trouve que les médias contrôlent l'information qui circule. Puis aussi, le problème avec ça, c'est que qu'est-ce qui contrôle les médias? C'est le gouvernement. Ce que j'aimerais amener avec ça, c'est que qui sait réellement si l'Australie existe encore? Certainement pas toi, hein, Tommy? T'as pas de preuve, hein? Non, mais ce que j'aimerais apporter avec ça, c'est qu'on sait pas. Peut-être que durant la guerre froide, là, à 5 minutes que la Troisième Guerre mondiale se déclenche entre les États-Unis et la Russie, ben peut-être que l'Américain qui mettait les coordonnées dans les lance-missiles avait pas beaucoup dormi la veille. Puis t'sais, comme il pouvait pas boire de café vu qu'il travaillait avec des ordinateurs. Quand ils ont vu les missiles partir du mauvais côté, M. Kennedy a juste dit « Ah, merde. On est vraiment mieux de faire comme si on n'avait rien fait. » Sinon, depuis que j'ai joué au jeu de société Risk, je dirais que j'ai compris que c'est jamais le monde agressif dès le départ qui gagne. Non, c'est toujours une espèce de personne qui dit jamais rien, qui fait juste respirer. Que t'as clairement évité parce qu'il manque un joueur qui met toute sa défense sur l'Ukraine, qui finalement t'attaque quand personne s'y attend. Puis moi, je suis juste comme, ah, come on, Marc. Moi, c'est Sylvain. OK. Hein? On vit ça ensemble, douteux? On vit ça ensemble? C'est pas long. Parce que j'ai un peu perdu. Tantôt, j'ai réalisé, d'habitude, on a 2 coupons de bière, puis tantôt, Tommy m'en a donné 3. Et viré fou, il a fallu que je cale un peu. Fait que c'était magique. Sinon, Dora l'exploratrice est un modèle pour beaucoup d'enfants, puis moi, honnêtement, ça me fascine. Juste comme à 8 ans, pas de l'exploration qu'elle fait, ça s'appelle une fugue. Ouais, son meilleur ami, c'est un singe. Son ennemi juré, c'est un renard. Qu'est-ce que la DPJ attend pour intervenir? Qu'elle se prostitue pour le pimp du village, Diego? Tu as des hauts là-dessus? Bon, vrai, Diego, il porte un débardeur brun, des souliers de randonnée. Honnêtement, décide-toi. Ou bien t'as 12 ans, ou bien tu viens de finir de travailler chez l'équipeur. Moi, ce que l'affaire qui me dérange avec Dora, j'aime pas le concept de base. Elle parle un mélange d'anglais et d'espagnol, dit des choses super simples, genre compter jusqu'à 4 puis nommer des endroits. Ouais, c'est qui a volé l'idée à qui? Dora ou Pitbull? Non, Pitbull, c'est la joue gangster, mais on va se le dire. On dirait qu'il fait des chansons pour enfants puis qu'il a juste changé les fins de phrases pour des trucs sexuels. Là, une espèce de « one, et two, et three, et four, tu sais que je te veux. Uno, c'est dos, c'est tres, c'est squatos. Je sais que tu me veux. » Je suis comme « non, t'es pas exotique, t'es chauffe. » Dans le top, on dirait une espèce d'Enrique Iglesias après 2 ans de chimio. Oui, on dirait qu'il parle même pas espagnol pour vrai. Il a juste choisi cette langue-là vu que ça pogne avec les filles. Non, mais je suis désolé, mais il n'y en a pas de chanteur populaire qui a une carrière internationale en chantant en allemand. Hey Hans! Es Wanz! Es Drar! Villar! Berlin! On dirait une marche militaire. J'entends ça à la radio, je suis comme « La Pologne est attaquée! » Oh là là, hein? C'est quelqu'un avec un nom composé dans la salle? C'est quelqu'un? Tout le temps. Non, y a-t-il quelqu'un? Marc-André, y en a-tu un? Ouais? J'haïs ça. Bien sûr. T'es mieux de pas en avoir. Non, c'est parce que j'ai l'impression que c'est des parents beaucoup trop indécis qui se sont juste jamais entendus. Exactement. T'es comme, la mère était comme, ah ben moi j'aimerais ça l'appeler Marc. Père, ah ben moi, Dominique. Ah ben là, moi je céderai pas, chérie. Ah ben moi non plus. Puis finalement, le seul perdant de cette discussion-là a été Marc-Dominique. Non, moi, j'en avais un à mon primaire, puis on s'entend que c'est un aller simple vers le monde de l'intimidation, ça, là, hein? Écoute, moi, j'ai pour mon dire que t'as pas eu une belle enfance. Si quand t'étais jeune, tes parents t'ont regardé dans les yeux, puis t'ont dit, ah, désolé, il y en a pas de beaux porte-clés avec ton nom à Walt Disney. Hein? Non, mais tu veux intervenir, là, depuis tantôt. Participe, participe. T'as ça sur toi, là? Non? OK. Pas là? Non? Il fait juste parler comme pis il n'y a aucune retenue. Ben, des fois, il se parle dans sa tête, mais le monde l'entend. C'est... Pour vrai, c'est intéressant. Mon grand-père vivait comme ça aussi. J'allais le visiter de temps en temps dans la section qu'il était. C'était super intéressant. Il y a des beaux patients. Non, il est décédé. Je vous laisse sur ce fret-là. Bonsoir, en manchette ce soir, devinez ce qui arrive avec les armes à feu en Floride, devinez ce qui arrive avec le vendeur de drogue et devinez ce qui arrive à l'hélicoptère. Et pour célébrer les 10 ans de 70%, vos chroniqueurs, Mathieu Boudreau, Florence Payette, Jonathan Simon, Mathieu Villeneuve, Damien Blas-Bouchard, ainsi que les fantômes d'Israël Trudel-Denis, Simon-Pierre Bilodeau, Jessica Lesage, Evelyne Poblin, Potvin Cloutier, Étienne Forêt, Julien Bernatché et d'innombrables autres en direct du Brouhaha à Montréal. Vous êtes à 70%. Bonsoir tout le monde. Hey, c'est... Merci beaucoup. Hein? On peut les applaudir en commençant. Messieurs Jocelyn Thérien et Jeff Cardinal, c'est vraiment une sacrée surprise pour fêter ces 10 ans-là. Ça a été décidé et ainsi va la vie. Check, il y a même quelqu'un qui m'a fait « Peux-tu la tenir comme ça? » Ben oui. C'est ça. C'est pour ça que t'es là, finalement. Ah oui, c'est ça. Non, c'est notre invité. On va y revenir avant longtemps. C'est une œuvre qui a été faite par notre artiste, Caroline Veilleux, pour fêter les 10 ans. Je l'ai trouvé en arrière, je ne savais pas. C'est une belle surprise qu'elle m'a laissée. Ça va sûrement finir au musée. Et tu peux comme la domper en arrière. On ne te demandera plus de travail de col bleu, je pense, à partir de maintenant. C'était aujourd'hui. Hier, en fait. Ben oui, en fait, le premier 70%, c'est né, ça va me faire plaisir d'en parler, j'étais au Danemark, et Simon-Pierre Bilodeau, que je salue bien bas, aimait beaucoup ce que je faisais, et il a décidé de venir au Danemark passer un 1er janvier 2005, assez spécial, 2006, ouais, on commençait 2006, hein. Voilà, assez particulier, on est allé voir le show d'Éric Lucas, et on était les seuls dans l'aréna à avoir une pancarte. On était au parterre et sur la pancarte, il était écrit « La vie, c'est de l'hostie de marde ». On était au Danemark, donc c'était comme une... Tu sais? Et on s'est fait beaucoup d'amis. Et je te dirais, j'ai jamais été autant hooligan. Et pour continuer là-dessus, mon assurance voyage se terminait le 31 décembre au soir, qui était un vendredi. Et je me suis comme rendu compte de ça trop tard. Et pour téléphoner et renouveler mon assurance, je pouvais pas avant le lundi, qui était après la fin de semaine, où je n'ai jamais été autant un hooligan de toute ma vie. J'étais debout sur des chaises de parterre en plastique. Je buvais tout ce qui passait. J'ai volé des bières à du monde. Il paraît que c'est correct. Ouais, mais toi, dans ma tête dans ce temps-là. Tu prends-tu une assurance voyage comme... à forfait avec ton billet d'avion ou tu as déjà une assurance voyage? Ben moi, j'habitais au Danemark avec ma copine dans ce temps-là. Elle était hot en Annestie. J'ai vu des photos, là. Ouais, ouais. Total MILF. Oh oui. Donc, oh, oui. J'ai vécu l'aventure avec Simon-Pierre Bilodeau et là, il m'a dit, faut que tu reviennes au Québec, qu'on se parte un show. À l'époque, c'était... J'avais déjà fait un an à Choc FM, mais là, il y avait eu ses premières lettres et blabla. Après mon année à Choc FM, là, j'étais parti au Danemark. Ça m'occupait pas mal au niveau radio québécoise. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il est venu me voir et il a dit, reviens, puis on se part un show 70%. Parce que lui, ça... Wow! 70%, t'as dit. 70%, ouais. Pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi le nom du show. Là. 70%, ben oui. Et là, à l'époque, c'était une parodie un petit peu de 110%, l'émission de sport bien importante qui a parti un mouvement qui va nous rendre fiers, tout le monde, de la culture et du contenu télévisuel. Et donc, au travers de cette parodie-là, et lui, il a reconnu beaucoup ça dans mon propos, que les films douteux du passé... C'est pas parce que c'est fini puis que c'est vieux qu'on peut pas les écouter et être rediverti par c'est ça. Clair. Et il y a une autre manière d'approcher la chose. Et ainsi de suite, là, il m'a convaincu. Je suis rapidement revenu au Québec. On a parti le show. Pis 6 mois après, il était plus dans le show. Ben, ça a été assez rapide parce que on s'est... C'est pas la personne la plus facile avec laquelle travailler. Moi, j'ai commencé à 70% à l'hiver 2007. Ouais. Ben, si vous avez commencé à l'été 2006... Ça a été assez rapide. Je me rappelle, Simon-Pierre, à un moment donné, et ce n'est pas une joke, les studios de Choc FM étaient sur Sainte-Catherine. Et là, il y avait plein de feuilles en avant de lui. On faisait le show à deux, mais dans le temps, on mettait beaucoup de musique. Et là, il commence tout. Puis là, je dis, et toi, Simon-Pierre, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Là, il fait, ben, là, il a comme empilé, il a replacé ses feuilles, il a fait, je trouve ça plate ici, mais aller me saouler au Sainte-Élisabeth. Là, il s'est levé et il est parti. Il est parti pour vrai. Mais c'était le genre de joke con que j'étais habitué qu'il fasse. Là, à un moment donné, il a dit « Je vais faire la météo. » Puis la météo, c'est qu'il s'est levé dans le studio. Il est parti à courir. Il est allé dehors. Il est revenu. Ça a pris 30 secondes. T'sais. Là, il revient. Là, il se passe rien. Moi, je sais pas. T'sais. Là, il revient et il dit « Bah, il y a des nuages. Là, mais c'est dur à dire. Depuis Sainte-Catherine, les buildings sont hauts. Là, mais d'après moi, ça devrait être correct pour une coupe d'heure. » C'était la météo de 70%. J'ai adoré ça. Mais cette fois-là, il est vraiment parti et il n'est pas revenu. Il n'est jamais revenu. Et à partir de là... Tu le vois-tu encore? Oui. OK, vous êtes amis, là. Je suis très mauvais rancunier. C'est pas mon premier talent. C'est Mais là, finalement, j'ai recruté Israël Trudel-Denis, qui est un ami de Rouen du passé. Ça, c'est une autre histoire, c'est capoté. J'en ai plein des comme ça, puis j'invente rien dedans, c'est juste des faits que je raconte. OK. Oui. Mais... Moi, j'ai pas suivi, là. À date? Mais c'est pas grave, tu peux nous écouter en archive. Moi, c'est ça, parce que t'étais au Danemark, tu t'es blessé. Oui. C'est là qu'est née la... Elle m'a pas laissé pantoute. OK. C'est pas même que ça s'est passé. C'est le moment, le plus... Exactement. C'est ça. OK. Point pour point. Hey, quand je suis parti, là, c'est parce que je savais que mon talent d'animateur, ça marcherait pas là-bas. T'étais trop humble pour eux. Non, ben c'est plus les références, tu sais. Si tu parles de Jean-Marc Parent, comme grosse petite tâche qui n'a pas rapport à TV, là-bas, ils ne savent pas. Moi, je ne sais pas c'est qui, Jean-Marc Parent. Mais quand tu habites à une place, il faut que tu regardes la télé là-bas aussi. Là. Ah, j'ai fait ça. OK, ça... T'as-tu déjà essayé d'apprendre le danois, toi? Ben non, mais c'est ça que je voulais te dire. Quelle langue tu parlais avec ta copine? On parlait anglais, français ou spécial. On a parlé beaucoup de spécial. Je suis rendu spécialiste en spécial. OK, c'est bon. OK. Quand je suis parti, la dernière affaire que j'ai vue d'elle live, là, c'est l'escalier roulant qui monte comme ça, puis moi qui descends tranquillement, puis elle... qui est en bas des marches et qui lève ses bras comme ça. C'est pas mal le moment que je suis devenu un homme. C'est sûr et certain que c'est la fois que j'ai sacrifié le plus précieux pour aller devenir le plus moi. C'est sûr et certain. Elle n'avait pas la possibilité de venir au Québec? Tu sais comment ils sont, les Danoises? Hein? Ils sont au Danemark, câlisse. Tu veux pas t'en aller de là? Toutes les filles sont 7 sur 10. T'es obligé de revoir ta manière de classer ça. C'est quoi 7 sur 10? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Crois-tu à la réincarnation? Ben, si tu me... Non. Non? Ah ben, on s'en reparlera peut-être jamais. Donc, 70% rendu là, je te dirais, ça a pris plusieurs vitesses différentes à partir du moment que Bruno est venu me rejoindre. Moi, j'ai tout le temps été très, très open source, inclusif, et ça nous a amené toutes sortes de personnes au fil des années. Souvent, il y a eu des chicanes à l'interne parce que moi, j'étais plus acceptant que d'autres personnes qui étaient des bénévoles depuis longtemps, et ainsi de suite. On a martelé la glaise de toutes sortes de manières avec de l'amour et des caresses. Et là, nous voilà en 2016, 10 ans plus tard. On arrive au 500e show. On va se faire un spécial pour le 511e. Wow. Ouais. Je pense que 511, c'est un chiffre qui veut dire quelque chose. Ouais. 511, là. C'est quoi ça? Tu téléphones là, puis il t'envoie un mineur. Là. Ouais. Ben, c'est un mineur! Donc, voilà, ça nous ramène ici. Moi, 70%, j'ai tout le temps eu l'impression que faire un show live devant public, c'était ce que c'était fait pour. Même, tu me connais depuis longtemps, même la présentation des films douteux et tout... Je pense qu'on est rendu dans notre élément naturel après toutes ces années d'évolution et ça leur a été long. On aurait essayé toutes sortes de choses et je nous vois mal évoluer à partir du format dans lequel on est en train de grandir. Le format... Je suis sûr que c'est impossible. Oui, c'est vrai que ça n'a pas rapport à ce que je viens de dire. Ça va bien vieillir, pareil. C'est bon. Là-dessus, ben, merci d'être là avec nous. C'est à chaque fois un plaisir incommensurable. Je viens de me prendre 2 semaines de break. Ça a été très bien gaulé par un certain Antoine Mystérieux. Il y avait un masque, je n'ai pas vraiment vu. Et un Andy Jacques, qui est mon cousin depuis déjà 38 ans. Ça va tellement vite. Toi, tu n'avais pas le droit de vote hein, quand je suis né, hein? Je pense pas. Ouais. Est-ce que je viens de t'impressionner en disant mon âge en pensant que j'avais l'air beaucoup plus vieux? Je sais pas quoi penser. Là. Ah ouais, mais hein? J'ai pas compris ton âge. Là. OK. Ah oh, ouais, t'es donc bien cool. Je sais pas si c'est une date. Tu me présentes ta personne depuis tantôt. Là. Moi, fait que là, je suis comme, est-ce que c'est une date? Est-ce ah ouais, fais attention à ma pudeur. Non. Je l'ai dit tantôt, t'es pas au courant que t'es en train de vivre un 10e anniversaire. Ben non, et c'est je t'ai ça. Pas présenté mais ma préféré... personne. Oui. Je t'ai présenté mon enfant. Oh, allô? Puis on t'a pas invité dans un piège de 10e anniversaire non plus, là, on s'en est rendu compte hier soir. Oui, en chat. En chat sur Facebook. On est à notre affaire à 70%. Exactement. Donc, puis tu vois, en plus, on a comme de quoi fêter. On a des musiciens live. Faites donc un petit beat pour notre invité, là. Cinem Cara, mesdames, messieurs. Ben oui! Mon nom va peut-être tenir genre 30 minutes après le début ou 10 minutes après. Non, je l'ai dit au début en te présentant avant que ça... Pourquoi tu es devenue une victime rapidement? Je sais pas. C'est parce que là, tu m'as victimisé. J'ai c'est de ma faute. Ben oui, je comprends. Non, ça a l'air difficile, la victime. La vie est vraiment ben top. Ben oui. T'as-tu un micro avec un petit puff-ball? Ben, je veux pas mettre ma bouche dessus, mais... C'est correct, tu peux me jouer du pisse. En fait, le truc, c'est d'accrocher son menton dessus. Ouais, pour avoir genre des rougeurs le lendemain. Ça arrive pas, nos micros, là, c'est ben des micros monogames. Ben oui, je le sais. Ils sont toujours désinfectés. Ils ne prennent qu'une personne par soir. Lui participe beaucoup. Non, c'est dans ton non, lui... C'est pas toi, non, c'est quelqu'un d'autre. Faut pas l'écouter, non, c'est lui. Comme j'ai dit c'est tantôt. Lui, il a changé de chandail. C'est ça. Arrêtez d'y parler. Ça l'encourage. Donc, toi, Cinem, t'es. Mettons, là, je suis un gars, je te trouve cute, je suis dans un bar. Mon nom, c'est Diego. Ah! OK? Mais tu le sais pas, là, à date. Oublie ça. Oublie ça. Okay. Là, je t'approche, puis je te dis, hey, salut, c'est quoi tu fais dans la vie? Tu sais, comme tout le monde demande en premier, tu sais. Puis là, toi, tu réponds quoi? Genre, c'est quoi ta job? Comment tu te décris? Ben, à Diego ou genre en général? Non, il existe en général à Diego. En général. Ben, je suis un humain, tout d'abord, qui aime faire rire. Puis après, je fais plein d'autres petites affaires à côté, là. Ben, je pense, Diego, ça étend de te reposer une autre question. Ben, j'y dirais, c'est pas important, c'est toi, qu'est-ce que tu fais, parce que c'est toi qui vas me faire vivre. Non, c'est pas vrai, mais... c'est pas vrai, mais... Non, mais gars, là, grosso modo... T'es stressé, je comprends. T'as jamais donné ton 70%, hein? Je vais juste donner mon 70%. C'est bon. Non, ben, comédienne. T'es open. Moi, bon, c'est ça. Ça veut là. Dire que t'es serveuse dans un restaurant. Exactement. Okay. Exactement! T'as tout compris, j'osais pas le dire. Ben non, mais Là, je ne sais pas si elle me niaise ou le reste, mais moi, j'ai déjà vécu ça pas mal. Genre. De quoi ça? Ben, être serveuse dans un restaurant. Ouais, être passé par là. Mais qui n'est pas passé par... Non, exactement. Non, j'étais cuisinier moi, dans un restaurant. Je vais te dire, je suis serveuse depuis que j'ai 13 ans. Okay. Oh! Exploitation des ah, ben enfants! Ben oui, comment ça? Ben non. Parce que mes parents... Pense-tu quelque chose qu'on devrait... Okay. Ben, je sais pas. Tu vois, ils ont réagi à l'exploitation des enfants. C'est ça. Nous n'encourageons pas ça à non. 70% certains, non. Mais toi, tu vis un contexte bon et tu veux nous en parler. Non, mais ça t'en a parlé, je vais en parler parce que mes parents ont toujours eu des restaurants. Fait que j'ai commencé à travailler dès que j'ai commencé à parler. Fait qu'à 13 ans. C'est ça. À 13 ans, c'était comme allô, tu sais. Ben moi, mon père, il m'amenait à bûcher du bois quand j'avais 13 ans. C'est ça. Tu participes à la famille. Exactement. À un moment donné, là, tu sais, t'es pas un esclave là-dedans. Quel restaurant? Ben écoute, on en a eu un peu partout. Ben c'est comme pizzeria, ça a commencé. Tout, comme tout immigrant là, qui commence ben, ça. Pas, non, ils prennent des kebabs aussi. Tu sais pas. Oui, c'est vrai. Tu sais pas, moi, je le sais, mais j'ai connais tout. Des belles provinces, il y en a pas mal aussi. Ça, c'est des Grecs. Oui, c'est ça. Ils vendent des baklava. Oui. Mais les baklava, c'est turc, hein? Ouais. Puis là, ils disent, attends, parce que je veux pas... Mais ouais, ben les Turcs, ils disent que tout est à eux autres. Mais non, mais fond, va voir sur pas Wikipédia. Les non, mais. Ouais, ben là. Ah ouais, tu veux que j'aille voir sur Wikipédia? Hey, peux-tu la laisser parler? Non, là. Excusez, là. Vas-y. Ben c'est ça. Fait que les Grecs, ils disent que c'est à eux, mais juste, grosso modo, c'est pas à eux, là. Tu veux dire les baklava, c'est ah, pas c'est parce eux. Que tout est turc. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Je vais te présenter mes amis arméniens pour que vous décidiez qu'est-ce qui est acquis. Ouais, on est comme des frères. OK, et soeurs, c'est bon. Donc. Les Iraniens aussi, des fois. Et... Ah bon, on n'a aucun problème. Attends, avec là, on est-tu comme en train de surfer sur l'appropriation culturelle? Puis non, non, juste les baklava. Parce que. Non, ça oui, c'est ça, les baklava. On parle de baklava. Parce que. Non, c'est juste que j'avais eu une discussion avec une amie grecque qui m'avait dit ça, puis j'ai dit non, c'est à nous. Puis elle avait dit non, puis j'avais dit non. Puis c'est comme si, mettons, dans 500 ans, il y a un Américain qui dit « c'est nous autres qui avons inventé la poutine ». Puis là, il y a mon descendant, genre Chubby Godette, en 2042, qui dit « ben non, c'est nous autres au Québec ». Ben, hey, c'est une des discussions les plus vacuites de toute la vie. Mais ça, je voulais juste préciser ça pendant que j'ai... J'adore ça. T'as une tribune. Ah, ben oui. J'ai entendu ça, tu commençais... Les 10 sont là, c'est à nous autres. T'es sorti d'un show d'humour avec un Angelo, qu'on apprécie oui. bien gros. Oui. Y avait Richardson Zephyr oui. aussi là-dedans. C'est un autre ami de 70%. Ouais. Quelle aventure, ça va-tu revenir, ça? Ah, ben là, je sais pas. Là, ça, on va voir. OK, toi, t'as... Okay, non, mais tu veux dire qu'est-ce que ça va m'apporter, ça, ce qu'on a fait avec eux? Moi, je veux que tu me parles si, à un moment oui, donné, ben, vous allez refaire ça sur scène. Ben, si, Je le sais pas, sérieux, c'est Richardson qui s'occupe de ça, mais il m'avait parlé d'une possibilité de le reprendre. Quand on était en train de le faire au ZooFest, on avait fait les importer, là, pour ceux qui savent pas. Ça se dit « savent pas » ou « c'est pas » en tout cas. Ouais, les ignorants. Ouais, appelez les ignorants. Non, mon français, mon français est super. Des fois, je fais des fautes, puis je m'en rends pas compte. Mais c'est quoi, tu veux dire, t'es pas francophone? Fautes, non, je suis francophone. C'est juste que... on s'accorde, c'est pas important. C'est compliqué, parler français, par contre. Là. D'accord. Les accords, tout ça. Ah, les diphtongaisons qu'il faut travailler, les liaisons aussi. Vous êtes à 70%, mesdames et messieurs. Nous étions. Il n'y a pas de Z fuck all nulle part là-dedans. Non. Parle-moi encore. Fait que les importer aux ZooFest qu'on avait fait. Et là, il y avait peut-être possibilité qu'on le refasse. Mais j'ai pas eu de nouvelles de ça, fait que je veux pas me... OK, ben on vous veut ici pour la foire en novembre, fait que tu parleras à ta gang, c'est dit. Passez ça, je pense que tu commences une soirée prochainement. Oui, exactement. En collaboration avec la confiserie, exactement. Si j'ai bien lu. Ben, ça... Oui, exact. Ben, développe. Ben oui, mais attends un peu, laisse-moi ben, respirer. Ben, je suis pressé! Mais on a une heure. Pas au clair, Bruno, pendant que j'y parle. Fait que la confiserie... Je me sens pas confortable. Puis, oui... Fait que la confiserie, c'est une soirée d'humour hebdomadaire qui va être tous les mercredis à 20h. Puis c'est au studio backstage sur Sainte-Catherine, coin Papineau. Ben pas coin, là, mais juste comme... Pas loin. Pas loin. Fait que si tu viens par Papineau, tu vas être correct. À pied! C'est correct à pied. C'est bon. Mais anyway, je pense que le monde à ce temps, ils ont comme des téléphones. Là. L'important, c'est plus studio backstage, mercredi 20h. Exactement, à partir du 28 septembre. Ben, parle-moi un petit peu de ces soirées-là. C'est quoi l'aventure? Ben, c'est une soirée d'humour, dans le fond, à sketch. Ben, il va y avoir des sketchs, il va y avoir de l'humour, des monologues, j'espère. Ça, je sais pas si on... Je suis contente que tu appelles ça comme ça, des monologues. OK. Parce que à cette heure, tout le monde se targue de renommer, de rebrander, genre, tu sais, ça. Moi, je compte l'idée de cosplay, là. Chris, tu te déguises, là, c'est tout, là. Le monde, ils veulent rebrander pour pas faire comme leurs grands-parents, genre. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais monologue, c'est ça qu'on fait, tu sais. C'est on, ça. On jase, on a un micro, il y a personne qui répond, sauf Étienne. On fait c'est un ça. Monologue. Ouais. Ouais. Mais, ouais, c'est ça, des monologues. J'espère qu'ils vont en avoir. Ils vont avoir du stand-up. Ben, c'est un... C'est une soirée d'humour où tous les humoristes de la relève viennent puis essayent leur matériel. Mais c'est pas un open mic, là. C'est, ben, c'est, en tout cas, tu comprends. Vous avez un horaire, un set list. Je veux dire, t'as du monde, là. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Bon. Ben, on invite tout le monde à ouais. passer faire puis, leur tour. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un prix à l'entrée? Oui, exactement, 8 $ Exactement. Fait, est-ce qu'on est mieux d'amener 8 $ pile ou vous fournissez les 2 piastres? Hein? Vous fournissez les 2 piastres, genre? Ouais. Ouais, c'est on a du change, on ne rend pas la carte. Qu'est-ce que c'est? Puis, c'est gentil. Non, t'es rendu, là. Tu peux... Non, je vais juste préciser, là. Ouais, que, c'est bon. Ben, merci d'être là avec nous. C'est un 10e anniversaire. T'es la bienvenue pendant une heure minimum et tu vas nous faire un petit stand-up à la fin, j'ai entendu dire. Un monologue. Stand-up. Très content d'entendre ça. Sinon, ben, en attendant, on a des chroniqueurs, comme d'habitude. On ne réinventera pas une recette qui nous a permis... de faire 10 ans, c'est capoté. On se parle pendant l'émission. Toi, tu gardes ton micro, tu y vas un petit peu au feeling comme tu veux. C'est bon. Et là, on va pointer Jocelyn puis JF là-bas, puis on va dire, mais si on est rendu au premier bloc de nouvelles, s'il vous plaît. C'était ma toune de nouvelles. C'est arrivé, mon gars. All right. Alors, près de Brisbane, en Australie, un homme conduisait un hélicoptère un peu trop près du sol quand son hélice arrière a accidentellement accroché la corne d'une vache. L'hélicoptère a perdu l'équilibre et s'est écrasé sur une route un peu plus loin. Le conducteur s'en est sorti indemne, mais l'hélicoptère a... pris feu. C'est fait, c'est la même affaire. La vache a également survécu. Une enquête a été ouverte. Mais pauvre vache, oui, hein? C'est de la viande qui est viciée pour toujours, ça. Elle a survécu à un hélicoptère. Elle a survécu à une explosion d'hélicoptère. Hey, imagine, ça broutait, ça pensait à rien. Capoté. J'aimerais vraiment ça, avoir comme un recap de ce qui s'est passé dans le cerveau de cette vache-là au moment où... Aïe, ça a dû, en tout cas. Aïe, aïe, d'après moi. Ben ouais. Fait que ouais. Là, t'es en train de me dire aussi que la vache peut faire exploser l'hélicoptère. Oui, la vache peut faire exploser l'hélicoptère. Tu y penses un peu. C'est pas on n'est pas loin de tout peut faire exploser c'est l'hélicoptère. Ça, c'est ça, il manque un insecte à un moment donné qui a grugé un fil. Puis... Embarquez pas là-dedans, calice! On n'arrête pas de rire, mais c'est vrai, le monde meurt! Rappelez-vous, l'hélicoptère et TVA, ça a même pas toffé 12 mois, tabarnak! Hélicoptère TVA. Non, non, il est revenu, il y en a un autre, ben oui, ça apprend pas! Je vais vous en reparler du cycle de la reproduction de l'hélicoptère. Tu sais, ceux qu'on voit, c'est les femelles. Hein? Ouais. C'est bon. Je compatis avec la vache. C'est tout ce que je voulais rajouter. C'est la bon. Position. C'est la position officielle, c'est bon. Oui. Dans la région de Walviertel, en Australie, un homme recevait des faveurs sexuelles orales de sa copine alors qu'il était au volant de sa voiture quand un chevreuil a sauté devant la dite voiture. Paniqué, l'homme a rapidement freiné afin d'éviter le chevreuil, ce qui a accidentellement provoqué une morsure sur son pénis. Une ambulance a été appelée sur les lieux et l'homme a été transporté à l'hôpital pour une chirurgie mineure. Les médecins lui ont assuré que son pénis restera fonctionnel. Yeah! Ouais! Mais donc ça t'arrive, là, c'est comme le mélange ultime entre le rire et la souffrance. Là, tu peux pas trop rire parce que ça sort plus. Ah, c'est... Next! Oui. Au Royaume-Uni, un vendeur de drogue a tenté d'amener son entreprise au 21e siècle en permettant à ses clients de payer à l'aide d'une machine de paiement direct. Mark Slender, quand le prévisible était... Mark Slender, 35 ans, avait installé la machine dans sa voiture et pouvait prendre les paiements par carte de débit et par carte de crédit. Malheureusement, l'homme a décidé de donner des reçus à ses clients. Et c'est en suivant la trace de ces reçus que la police a aussi réussi à le retracer. L'homme a été arrêté à sa résidence pour vente de cocaïne. Hey, à sa résidence. T'as vraiment, vraiment gâché tous tes jets de protection de vendeur de drogue, là. Il prenait la carte pour vendre de la drogue, c'est ça que j'ai compris? Il prenait la carte pour vendre de la drogue, oui. Ben nous, on va pas le prendre. On prend pas la machine, comme j'ai dit tantôt, ni les chèques. Oui, OK, oh, oui, tu veux. Est-ce que vous vendez de la drogue ou? Non. Les mandats poste, est-ce que vous prenez les mandats poste? Non. Non? OK. Tout se paye en timbre, anyway. Ouais. En timbre, moi, j'accepterais. OK, c'est ouais. Bon. 8 timbres pour rentrer. Argent Canadian Tire? Non. Ben oui, tu dis oui, mais le double. C'est bon. Oui, mais le double. Tu veux, elle apprend. La compagnie AEO GmbH, qui publie le logiciel AdBlock Plus permettant de cacher les publicités sur Internet, a finalement trouvé un moyen de monétiser le logiciel en vendant de la publicité. En effet, AdBlock Plus offrira bientôt aux annonceurs une plateforme de publicité acceptable afin d'aider les annonceurs qui veulent montrer une expérience publicitaire alternative et non intrusive aux utilisateurs de bloqueurs de publicité. Hey. Avez-vous out? Tu sais qu'il y a un pape dans l'histoire de la papauté qui a déjà dit à un moment donné que d'avoir des esclaves négroïdes, c'était correct. Oui. On fait la split en tabarnak dans l'humanité, mon gars. On fait la split. Fait que dans le fond, Adblocker nous bloque plus contre la publicité, nous bloque contre les méthodes archaïques et ancestrales de publicité. Voilà. Il nous offre une nouvelle manière de vivre la publicité. Est-ce que tu penses qu'il y a un dildo assez gros pour cette idée-là, genre? C'est dément. C'est débile. Je suis sûr qu'il y en a un. Quand on cherche, on se trouve. S'il n'y en a pas, on va en faire un. Ouais, ouais, ouais. Bon, sinon, on peut adapter. Parce que moi, je suis passé à Plattsburgh dernièrement, la semaine passée. Et il y avait des jets de l'armée américaine qui débarquaient. Je pense qu'on tient. On va arrêter de parler des anus d'inconnus. Ouais. On va y aller avec ma dernière de ce bloc-ci. Alaya Walker de St. Petersburg en Floride était chez une amie quand elle a eu l'idée de se faire des gaufres. La jeune femme de 18 ans a donc préchauffé le four, ne sachant pas que son ami J.J. Sandy, 25 ans, avait rangé un chargeur de pistolet dans le dit four. Parce que c'est là qu'on met ça. Mais c'est pas la première fois qu'on l'entend, ça. C'est... Non, c'est la première fois, celle-là. OK. Le chargeur a explosé, envoyant des fragments volés dans la maison et blessant légèrement Walker. Aucune accusation n'a été portée contre Sandy parce qu'elle avait ses papiers. Là. Ouais. Puis il serrait des chargeurs dans le four. Il serrait des chargeurs dans le four, c'est là que ça va. Ben ouais, ben ouais, c'est sûr. Sécuritaire. Celui de l'aquarium est vide. T'en as-tu un autre? Ben, il y a celui du four. Ou sinon, ben, tu peux checker en dessous de la toilette. Là. Ah, c'est cool, c'est cool. Ben, on n'est jamais assez parano. Merci, Bruno Corbin. Avec plaisir. Ben oui, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Oui! Comment ça se passe, toi, cinéma, ben, début? C'est des nouvelles palpitantes. C'est capoté. J'ai jamais entendu ça. C'est ça doit être dans les divers que je lis pas, là. C'est pour ça qu'on a un professionnel pour nous ramener comment que l'humanité avance à 70%. J'aime ça quand tu dis exactement. Je dis tout le temps ça. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est peut-être plus absolument pas. Patrick Carpentier. T'écoutes-tu le NASCAR? Non. Non. Mais je demande parce que Patrick Carpentier, il a déjà dit... En fait, lui et Didier Scranen... Patrick a dit quelque chose... Didier Scranen a dit... C'est-tu du hockey, ça, là? Non, c'est une déformation professionnelle. C'est bon. Ouais. Ouais, OK. J'en parlerai une autre fois ailleurs. Merci d'être avec nous, en tout cas. Là-dessus, on commence avec les surprises, s'il vous plaît, messieurs. Premier chroniqueur. On peut appeler... Hey, Cardinal Terrien, c'est débile. Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Il est où, Mathieu Villeneuve? Ha ha ha! Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis une Hey, t'as pas de lunettes à soi, t'as l'air poqué, Mathieu, ça. Je viens juste de sortir de l'hôpital. Oh. Ouais, j'étais à l'aile psychiatrique. Oh. J'ai pété une psychose, là. Il était temps, mais tu sais pas ce que je me tapais comme drogue, là. C'est pour ça que je me suis rasé. Moi, je me rase à chaque 2 ans quand je fais une psychose. À chaque 2 ans, à peu près. Là, les cheveux, ça va peut-être venir, là. Ça dépend. Ben, en fait, c'est que moi, j'ai pris un petit peu d'LSD, là, comme tous les vendredis. Mais j'en ai trop pris, là. J'ai fait 3 cartons de Buvard. Puis, écoute, je me regardais dans le miroir, Tommy, là. Puis, je me demandais ce qui se passait. Mais mes lèvres, c'était des sangsues. Mon nez, c'était comme un abri tempo avec 2 fausses sceptiques. Puis là, je regardais mes yeux, puis c'était comme des lunes, mais des lunes d'une autre galaxie. Puis je me demandais ce qu'il y avait de l'autre côté, on the dark side of the moon. Puis, man, il y avait des zombies. En arrière de mes yeux, là, man, c'était des zombies, man, partout. Et puis ils sortaient partout, puis ils allaient rejoindre les sangsues, puis en tout cas, c'était fucké, man. Puis quand ils sont venus chercher, là... Ben, j'étais tout nu, là. J'essayais de me défaire de tous mes vêtements. Puis, ils m'ont mis une camisole de force pour m'amener à l'hôpital. Moi, j'ai demandé une lobotomie. Chris, ils me l'ont pas donné. Ouais, j'étais déçu. Fait que j'ai demandé des électrochocs. Ils les ont pas donné non plus. Et fait qu'ils m'ont bourré de pilules à la place. Puis, c'est ça, là. Sur les pilules depuis ce temps-là, c'est vraiment en plate, Tommy. C'est dur. C'est vraiment dur. Calvaire, on a du fun, man. Ouais. Fait que quand ils m'ont mis la camisole de force, là, le deuxième jour, hier, ben, je suis vraiment pas content. J'ai essayé de la déchirer, j'ai essayé. J'ai fait ça de même. Là. Et ça n'a pas marché. Mais là, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Moi, j'ai... C'était la chronique de Mathieu Villeneuve, mesdames, messieurs. Ben, écoute... Amenez-y un shooter, quelque chose. Ça, principe. Il y avait un affaire de positif là-dedans, là. C'est son chandail qui était écrit Maggie. Mais il l'a déchiré, mec. C'est magie, en fait. C'était magie? Ouais. C'était moi, j'ai vu Maggie. T'aimes-tu mieux Maggie ou Magie? Je préfère Maggie. Je regarde beaucoup les Simpsons de ce temps-ci. C'est pour ça que t'as vu Maggie? C'est pour ça que j'ai vu Maggie, je pense. Ouais. Mais t'es, pourquoi t'étais contente que le T-shirt sur lequel il est écrit Maggie soit déchiré? Ben, parce que je pensais aux Simpsons, puis j'étais contente. T'as hâte que Maggie soit assez vieille pour sortir de la famille et vivre sa vie. J'aimerais vraiment qu'il y ait une émission juste sur Maggie. Hey boy, ça serait le fun, hein? Hey, mais imagine qu'elle parle. Puis moi, là, je me demande tu parles pas d'un spécial, un épisode spécial qu'on l'a suivi dans la garderie. Tu parles, elle, à l'université. Là. C'est ça. Ouais, ouais. Puis Omar vient de temps en temps. Là. Penses-tu qu'elle va rester, parce qu'on s'entend, Maggie, c'est un génie, là, pour son âge, puis tout ce qu'elle a réussi à faire, toute sa débrouillardise, puis tout. Ouais, okay. C'est pas parce qu'elle parle pas que c'est pas un génie. Elle a prouvé souvent qu'elle avait. Elle pouvait, mettons, mettre de l'ombre sur l'intelligence de Lisa. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'elle va garder ça en vieillissant, toi? Ben, pour vrai, je pense pas. Parce que souvent, on a vu du monde intelligent à l'école, puis ça finissait mal. Mais ça veut pas dire, là, tu sais. Non, mais ça veut pas dire, tu sais, des fois, tu commences mal, puis tu finis bien, puis des fois, tu finis, tu sais. Ouais, ouais, non, j'aime ça. Il n'y a rien de déterminé là-dedans. Exact. Genre. Ouais, tout ouais. dépend... Des qui efforts va être sur son chemin. Et des efforts qu'elle va vouloir mettre aussi à un c'est moment ça. Donné. Parce que des fois, quand c'est trop facile, trop tôt, ouais. tu deviens gros, genre. Ouais, je comprends. Ouais. Mais tu sais, comme si tu regardes... Mais il y avait des émissions quand Bart puis Lisa, ils ont grandi. Puis on voit ce que ça a donné. Ouais. Lisa n'était pas super heureuse, là, malgré le fait qu'elle était... T'sais. Présidente des États-Unis. Ah, j'ai pas regardé celui-là. Ben oui, c'est la saison 12, genre. Moi, j'ai regardé quand elle sortait avec le gars aux cheveux bleus, là. Ouais, mais ça, c'était une prédiction de Gypsy, ça. Ah non, la Milhouse. Milhouse. Ouais, ouais, ouais. Il sortait avec Milhouse. Il était marié musclé, avec Milhouse, là. Non? Non. Il était gros, puis c'était un zombie. Non? Ah oui, ben oui, c'était un zombie. Il regardait ses programmes avec des chats. C'est ça, c'est un spécial Halloween, je pense. Tu sais que c'est pas canon, hein? C'est les seuls épisodes qu'ils font pas partie de ce qui se passe. Ça finit jamais bien, genre. Ben, des fois, non, ça oui, finissait mais... bien. Ouais, c'est ça. Il y avait de l'amour. Ouais. Peu importe ce qu'il y a autour. Ouais, parce que, bon, en tout cas, je veux pas raconter l'émission des Simpsons. Tu veux pas spoiler un show animé qui a joué pendant une 20 minutes, là, 15 ans, genre. Ouais. Ben, surtout que si on commence à se raconter tous les épisodes des Simpsons, okay, on commence par on finira pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a d'autres chroniqueurs qui s'en viennent. On passe au prochain, hein. Ouais, d'accord. S'il te plaît. Et sais-tu que c'est lui? All right! Oh, hey, ça, c'est plaisant. Oh! Ça me rappelait quand je jouais au hockey. Salut les amis. Salut. J'ai eu une grosse journée. J'ai des fiches. C'est très drôle parce que il y a quelque chose qui bloque mes fiches. Oh, c'est un papier de Derek Frenette. Beaucoup moins drôle que je pensais finalement. Voilà. Mais ça, c'est une joke valise. Hein. Tu peux mettre le nom que tu veux dedans. Là. Tu peux remplacer Derek Frenette par Mario Jean. François Mascotte, hein? Ou Philippe Bang. Il ressemble à Jack Black. Ouais, beaucoup. Mais c'est pas ça qui en fait un... Non, mais je dis ça. On parle pas de ça. J'ai pas dit que j'étais meilleur que lui. Hein. Je dis juste que je fais autre chose. OK. Ouais. Il y a aucune victime là-dedans. Aucune victime là-dedans. Bon, on est deux planètes qui tournent pas dans le même système solaire, c'est ça. D'ailleurs, Philippe Bang, c'est la même chose. Hein. Philippe Bang, moi, j'ai aucun problème avec. Hein. Moi, j'ai pas assez d'argent pour aller le voir en show, puis lui, il se calisse de moins solide. C'est fair. Dossier de réglé. Voilà. Cette semaine, mon fils, il dit « Papa, c'est quoi le sens de la vie? » Ben, j'ai dit « Tu veux savoir le sens de ma vie? De la vie, suis mon bras dans ta chambre, tabarnak. » Parce que, bon, mon fils, il veut réfléchir au sens... Les kids, hein? Les kids sont de même. D'ailleurs, parlant de mon fils et moi, on se ressemble beaucoup. Et c'est les gens, ils disent souvent, là, quand ils nous voient ensemble, « Ah, la pomme est tombée pas loin du pommier », tu sais. Ou « C'est pas le fils du facteur certain », tu sais. Et ça, c'est spécial parce que mon fils a été adopté. Donc, je me dis, j'ai fait ses efforts en tabarnak pour y transmettre de l'ADN. En tout cas, il y a quelque chose à aller étudier là-dedans. Bon, OK, j'ai celle-là ici cette semaine. Ma blonde me trompe avec un humoriste de la relève. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Non, je sais, c'est pas un humoriste, là, mais c'est un petit clown. Bon, moi, quand j'étais jeune, Tommy, on étudiait à l'école le verbe avoir et le verbe être. Je bêtre, tu bêtres, il bêtre. J'étais pas super bon à l'école. J'ai d'autres qualités. Juste bêtre assez. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas assez simple, je pense. Hier, je me suis fait cruiser par une vieille dame. Ouais, elle devait avoir comme 2000 ans, là. C'est incroyable. Je me disais, c'est certainement la mère de Jeannine Suteau. Hein. Et bon, là, en tout cas, elle me dit... charmant jeune homme, voulez-vous m'aider à découvrir mes trésors? Et là, j'ai dit, voyons donc. Moi, j'aurais pas dû me déguiser en Indiana Jones cette journée-là. Je le savais, tu sais. Oui, je me déguise en Indiana Jones, hein, régulièrement, mais pas aujourd'hui, parce que mon linge était sale. Ton linge d'Indiana Jones voilà. Était sale. Et là, certains s'en sont rendus compte, mais c'est la même chronique que la semaine passée. Ouais. Ouais. Ouais, comme quoi, dans la vie, il y a des choses qui changent pas. Mais non, c'est une blague. C'est parce que je fais comme si j'étais au ZooFest. Hein. Je suis en rodage. Ça vient de te coûter 23,95. Switch encore des petites cartes. Ouais, je switch mes petites cartes. Non, mais en fin de semaine, j'ai été dans un mariage, Tommy. J'ai été dans un mariage et c'est là que j'ai appris que c'est mieux d'être invité. Hein, avant d'y aller. C'est ton premier beau mariage. Moi, bon, j'étais après à Jartière, là, t'sais, malaise. Bon. Ou si aller dans un mariage, ça répond pas à la question « Pourquoi les gens se marient? » Hein? Absolument pas. Ça donne aucun indice. Mais j'ai découvert un nouveau concept qui s'appelle « Bribezilla hein? ». Oui, c'est vrai. Ouais, « Bribezilla », qui est un nom féminin, hein? Qui est un habile mélange du mot « bribe hein? », qui veut dire « marier », et de « Godzilla ». Et c'est une expression qui signifie que ça va être la plus belle journée de ta vie. C'est-tu clair? Ouais, c'est vrai. Un bride marié avec un E hein, au féminin. Ouais, bride. Ouais, voilà. Ben sûrement que ça se dit pour un gars aussi. Non, c'est groom. Groomzilla. Ouais. Moi, je l'ai moins vu, celle-là. Groomenstein. Ouais, le gars, il fait juste comme fermer sa gueule. En tout cas, expérience vécue. C'est de ce qu'on sait. Parlant de Godzilla, toi, tu sais le film avec Matthew Broderick? Godzilla, Matthew Broderick. C'est le spécialiste en vers de terre dans le film. C'est pour ça que c'est lui qui tue Godzilla à la fin. Oui. Ben, tu sais, Matthew, c'est Ferris Bueller. Ouais. À l'époque, il a fait ça. Et il était très, très bon dans Ferris Bueller, mais je sais pourquoi il est moins bon à cette heure. C'est parce que Matthew, il a pas de barbe. Et Ferris Bueller, tu sais, c'est un adolescent. Il a pas besoin d'avoir de barbe. Fait qu'il jouait très, très bien. Mais là, après ça, ils lui ont confié des rôles plus sérieux. C'était des rôles d'homme barbu. Et Matthew, il a pas de barbe. Donc, il est pas capable. Bon. Moi, je pense qu'il y a personne qui va t'en vouloir si t'appelles Matthew Broderick Ferris Bueller. Tout le monde va comprendre. Ferris? OK. Ouais. Ferris. Ben, c'est le seul moment où on s'en est rappelé. J'ai passé l'après-midi tout nu dans mon lit avec une fille qui trouve que se défoncer la gueule à l'alcool, c'est malsain. Je t'aime. I love you. Et schlibidish. En tout cas, n'importe lequel, là, la langue que tu veux pourvu qu'elle finisse autour de mon gland. Ben non, elle est féministe. Pourvu... Ce que j'aurais dû dire, c'est pourvu qu'elle finisse au même salaire que moi. Bon. Je le sais, je vais finir en enfer. Non, à date, c'est cool. Ouais, à date, c'est pas pire. Okay. Ouais. Moi, en terminant, si je suis ici, Tommy, c'est pas par habitude, là. Ça fait pas 4 ans et demi que je fais ça tous les lundis. Ni par dépit non plus, hein, parce que je pourrais être ailleurs. Là. Mais là, je suis ici, fait que je suis pas ailleurs. Hein. Mais en même temps, ça, c'est une théorie qui peut être assez intéressante à développer, mais on n'a pas le temps. Mathieu Quantique. Voilà. C'est parce que je lance un album, Tommy. Voilà. Ah ouais. Regarde, je l'ai ici. Ah ouais. Puis je suis même pas au courant. C'est quoi? Voilà. Tiens, moi, là-dedans, c'est, moi. C'est Tima Leggiado. OK, puis... C'est pas toi qui l'a. Fait que tiens, attrape-le. Voilà. Non, mais pour vrai, c'est un peu de la merde. Je vais finir avec ça. Ce chandail peut contenir des poils de chat. Et si tu le mets sur Tommy, c'est ce chandail ne lui fait pas. Voilà. Merci. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Crois-tu à ça, toi, les chats? J'ai un chat. Ah ouais, oui, je crois vraiment quelle à ça. Surprise. Là. Comment ça, quelle surprise? Non, j'adore les chats. Ben oui, je comprends, ben oui, c'est sûr. J'adore les animaux. Peux-tu me dire de 1 à 10, incluant tous les chiffres en haut de 10, à quel point t'aimes les chats? Ben, j'aime beaucoup. Ben, j'aime Colin. Il y a à pas 14 chiffre, là, sur 10, ça, genre. Oh, non, le 10 sur 10, là. C'est assez. Tu sais, faut pas capoter, là. Ben non, je les aime, là, mais je la laisse libre, là, tu sais, elle se promène, là. Tu sais, je suis pas... Ça s'appelle comment, ton chat? Pacha. Ah ouais, hein? Ouais. Est-ce que t'aimes ça parler de ton chat à des inconnus? Pas particulièrement. OK. On va passer au prochain chroniqueur. Que je te connais. On va passer au prochain chroniqueur. Non, on va s'en parler. Non. Fait que c'est mon chat. Elle s'appelle Pacha. Go. Étienne Lapointe, mesdames, messieurs, c'est, ça va? Oh yeah, ça va. Un T-shirt de Val-d'Or ou... Non, de la Cité de l'Or Val-d'Or. Une partie de Val-d'Or. Ouais, c'est ça. C'est comme la plus vieille et celle de laquelle il parle le plus en même temps. C'est l'ancienne mine Bourlamaque, dernière mine dans le monde où on pouvait voir le filon d'or. Ça n'existe plus à l'état naturel. Merci. Tu as parlé d'or, tu vois. Ça va bien, Tommy? Ah, ça va, ça. Je vis un rêve. On chante-tu encore Ginette Renaud? Cinem. Un peu plus bas. Encore plus bas. Non, c'est moi qui ai ajusté son pied de micro tantôt. Un peu plus haut. Ça avait l'air de lui tenter. Hein? Oui! Mais je connais pas les paroles, sinon on aurait fait un duo. Moi non plus. Ben, c'est la meilleure manière. Hey, non, vous ne faites pas un duo, tu me parles de tes affaires. Là. Wow, ah! On avance. Je connais pas les paroles, moi non plus. Hey. Tu connais-tu Corneille? On pourrait chanter du Corneille. Non, c'est pas vrai. Je suis trop vieux pour Corneille. C'est Couleur Café, ça? Oui. Il paraît qu'il y a d'autres albums aussi. Genre. Ben, il est plus connu en France. Ben, je pense qu'il a été, banni genre par les producteurs québécois. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là. Ben, il a le droit d'aimer sa cousine. Je connais pas cette histoire. Ben moi non plus, j'invente de quoi pendant qu'Étienne prend son temps. Il est bien trop tard. Ah. La rumeur est sur les internets. Là. Ah, on a des fans en France. Ah, on vous salue d'ailleurs. Allô la France. Let's go, c'est long. Ben là, je t'écoute, man. Ben ouais. Avec... C'est ta première erreur. Non, c'est ta neuvième. C'est ta neuvième. J'ai écrit un autre fable. Je sais pas qu'est-ce qui me pogne. Puis, Jocelyn, me mettrais-tu de la musique pendant que je déclame, s'il te plaît? Triste, donne-y un adjectif, là. Musique comment? De la musique féerique? Une valse, genre. C'est quelque chose qui fait la fontaine. Ah. Deux amis hobbits au cœur brisé. L'un récemment, l'autre par une histoire d'antan. Avait été désigné pour aller chercher de la bière et la ramener au party du musée. Le hasard étant un enfoiré, sur leurs anciennes flammes, ils étaient tombés. Quand chez le brasseur, ils étaient arrivés. Le premier jeta un regard froid à l'intrigante et se retenut de la lancer dans une poubelle. Le deuxième, lui, salua la sienne et prit de ses nouvelles. Le roublon dans la charrette bien ancrée, ils quittèrent les lieux sans rien d'autre demander. Partirent même sans payer. Accueillis en héros, leur bière ils livrèrent. Un repos ils avaient mérité. Et, fumant leur pipe, ils se mirent à discuter. « T'aurais jamais dû lui parler, » dit le cadet à son aîné. « Moi, je l'ai ignoré, puis jamais je lui parlerai. » L'autre, à ces mots peu près, répondit, « Entre toi et moi, lequel de nous deux a traîné son ex jusqu'au party? » Belle leçon de vie. Dire que s'il avait fait ça une semaine avant, là, il était aux Gémeaux. C'est-tu facile de même aller aux Gémeaux? Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Ah ouais, hein, parce que sa réputation en ligne à Étienne, c'est moins hot que ce qui vient de se passer. Là. Non, mais bon! As-tu déjà essayé de googler Étienne Lapointe? Non, mais ça marche moi, pas. Moi, je fais ça bloque. Chaque soir, ça c'était peur. Hein? Clavier ne veut pas, ça m'électrocute. Non, c'était excellent, pour vrai. Moi, j'ai ben failli pleurer. C'était très beau, il m'impressionne. Moi aussi. Ça fait... Non, va tracer. Non. Ferme non. Son micro! Non, c'est vraiment la musique. Ben oui, mais c'est ça. Ben, c'est moi, ce que, c'est ce que j'allais dire. Une chance qu'il y avait une bonne soundtrack. C'est un peu comme Commando, tu sais. Ah, si, oui. Étienne, des commandos. On t'aime, mais reste loin. On est prêt pour le prochain chroniqueur, messieurs. Ça va bien, tout le monde? Hey, as-tu entendu la toune de héros que tu viens d'avoir, man? Je me sentais comme dans un film. Il est où ton destrier? Je me préparais à sortir une épée ou quelque chose. Changer le monde même. Pour le mieux. Ouais. Vas-y, c'est moi, Johnny Publicité, le chevalier de la pub. Non, vous allez être déçus. Hey, par applaudissement, il y en a combien ici qui se sont déjà fait Bahamé. Okay. Ça, c'est-tu comme Bahamène, genre? Non, c'est bien... Il y a comme Davio. Se faire laisser les dogs out, genre? Non, c'est comme Bahamas. C'est comme... Faut que t'ailles au Bahamas, genre. Ouais, on va écouter cette track musicale qui suit. C'est temps pour faire la vie. On l'écoutera pas complète sur une minute. Parmi les oiseaux et les casinos, laissez-vous donc Bahamé. C'est temps de vous régaler. c'est le fun parce qu'il y a quasiment pas de clichés dans ce pub-là. C'est merveilleux. Il y a plein de monde qui danse et qui sont heureux dans les Bahamas. Hey, eux autres sont déjà bamés. Ils veulent bamer quelqu'un d'autre. Ouais, c'est comme les vampires. C'est comme le Ice Bucket Challenge. Ouais. Ils t'ont bam. Sauf que c'est l'inverse, parce que si tu participes pas, ça te coûte pas d'argent quand tu fais bamer. Ouais, c'est une chance que... Ça te coûte pas d'argent. Il y a personne qui l'a donné. Ben, au contraire, ils ont fait plus de 900 millions puis ils sont en train de guérir le problème. Là. Bon, ben, ouais, c'est un mouvement social hashtag qui a été utile à l'humanité. Ah oui, je le sais, j'étais là. Excuse-moi. Tu t'es-tu fait nominer? Non, non, non, personne. C'est pour ça que je suis ta mère. T'étais habillée comment? Okay. En tout cas, une chance que l'Ouzbékistan n'a pas eu le même concept de pub, parce que laissez-vous ouzbékistaniser, ça aurait moins pogné, je pense. Ça fait un plus long refrain aussi. Ouais, c'est ça. Non, non. Je le dis, puis j'ai mal à la gueule. Ben même mongolisé, là, tu viens d'ouvrir une belle grille. prochaine pub, c'est mon top 5 de trouvailles les plus récentes. Comme quoi que mes top 5, c'est n'importe quoi. Ici, on a une pub de pâte à dents, puis dans la pub, dans l'image de la pub qu'on verra pas, ça danse tellement qu'on se demande s'ils sont brossés les dents ou s'ils l'ont sniffé à pâte à dents. Ah, c'est à ce Allez point-là. Pas sniffer de la pâte à dents, ça fait rien. Non. C'est close-up. Hey, sniffer de la pâte à dents. Avec close-up. J'aime ça. Ah, puis la fille dans la pub, elle se déhanche, là. Est-ce qu'il danse dans une bouche, genre, ou comme y a-t-il un affaire setup? De même, il y a des lasers, là, c'est très, très années 80. La pub date de 85. Ah ouais, hein. C'était très... Je pense que c'était dans une bouche. On l'écoute un petit peu. J'aime ça aussi, pour faire rire. J'aime ça. J'aime ça, close-up. Ça sonnait comme une annonce de Laurentide, un peu. Oui. Toi, tu l'as trouvé, ta pâte à dents! Close-up! Ah, puis tu peux pas les montrer l'utiliser dans la pub, c'est sûr. Hein? Non. Let's go, next! Hey, j'ai trouvé plein de pubs de centres d'achat récemment, c'est merveilleux. Là, j'ai une pub de la Place Longueuil. Quand je vois le pont Jacques-Cartier, ça me fait penser Place Longueuil. Je suis sûr que ça me fait penser à Place Longueuil, t'as avoué quand tu passes là-dessus. Il y a du monde qui vont à la Place Longueuil, ce gars-là, il l'a sniffé à Place Longueuil. Ah, j'aimerais ça qu'on n'en parle plus jamais. Ouais. Next. Ouais, prochaine pub, c'est une pub des magasins Simpson qui a l'air d'être inspirée par Olivia Newton-John et fucking plein de miroirs. Pour se mettre en forme pour les jours Simpson. Les jours Simpson. Des aubaines partout, tout ça juste pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, ça donne-tu le goût de courir un marathon rien qu'un peu? Va chier, d'où? Ça, Simpson, c'est le magasin qui a arrêté d'exister avant Woolco, hein? Ouais. Ouais, OK, c'est bon. On parle du même... Ça nous ramène 12 ans avant Internet. Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais eu de www.simpson.com qui se sont appliqués à ce magasin-là. Je comprends. Oui, Chris, non, hein? Non. Next. Ouais, next, on a une tentative de rap et ça devrait être condamné par le Vatican. Ou par n'importe quel. Voici le Ginger Ale Pure Spring. Avec 8 saveurs, c'est encore meilleur. Un goût frais, chambre comme il s'en fait pas. Le nouveau Pure Spring te surprendra, car aucun autre n'a le goût qu'il a. Quelle clarté, limpidité. Hey, je pense que c'est encore pire que la pub de Golden. Un goût de gingembre comme il s'en fait pas. Si bien que Pure Spring ne se compare pas, le nouveau Pure Spring te surprendra. Car aucun autre n'a le goût qu'il a. Le Ginger Ale. Faudrait voir le clip, mais j'avoue qu'on... On a l'impression qu'ils sont blancs, les gens qui rappent, ouais. Ils sont très, très blancs, effectivement. OK, c'est bon. Tu vois qu'ils ont le rythme ailleurs que dans le sang. Ouais. T'as-tu fini là-dessus, là? J'ai fini, ouais, on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Ouais, Jonathan Simon, c'est notre VJ lundi prochain à part de ça. Johnny Publicité, s'il y en a un qui travaille fort sur ses projets périphériques, c'est bien lui. Tesla aussi, il paraît qu'il travaillait fort sur ses projets périphériques. Mais Jonathan Simon puis Tesla, hein? Même c'est ça combat. Qu'on dit tout le temps. Même combat, ouais. C'est sûr et certain. Ouais. Ça va, toi? Ben oui. Mais oui, non, ça va. Toi, ça va? Ben, t'as dit oui, oui, non. Non, non, oui, ça va. Non, c'est juste. Non, non, oui, non. Non, non, non, oui, non. Oui, non. Les publicités, ils vieillissent mal, là, des fois. Mais ouais, rapidement. Mais je me demande, comme là, moi, je trouve que c'est quand même correct, nos non, pubs. Non, tu trouves pas ça mais pour non, vrai. Mais tu sais, dans le sens qu'avant, il y avait des pubs d'Honda, puis comme le plancher était craqué, là, aussi, que ça roulait. Là, les planchers sont, tu sais, comme, quand je dis plancher, c'est ce qu'il y a dehors, là, pas le plancher de la maison. La rue, c'est ça. Ah, c'est ça, là, quand tu parles du plancher, tu parles de la rue, t'sais, OK. C'est comme le dehors, le plancher du dehors. Un petit peu qu'on passe au prochain chroniqueur? Non. On va passer au prochain chroniqueur. Attends, j'avais quelque chose à dire. Après l'autre chroniqueur, de retour c'est à bon, Chim. Au plancher, qui est la rue. Là, je vais parler d'une publicité récente. C'est bon. Allô, tu veux parler? Salut Florence, désolée. Elle voulait non, parler elle veut, encore. Non, Florence, mais... tu veux la laisser finir sur son affaire ben de publicité? Oui, bien sûr. Bon, fait que, comme disait Léonda, non, mais c'est parce qu'il y avait une pub récemment qui est sortie, puis moi, je pense que ça va mal vieillir comme dans 20 ans, mais ils l'ont coupé, ça n'a pas duré longtemps. C'était l'affaire d'une boisson, là, puis tout singe bébé, l'avez-vous vu? Ah oui. Ah, c'est-tu que c'était foquant, ça? Ouais. Ah oui, c'est vraiment les trois pires mots à sortir d'un chapeau. Là, mais le gars, moi, je pense au gars qui est arrivé, genre, en réunion, puis il a dit, moi, mon idée, puis tout, singe bébé. Puis le monde a comme fait... Mais moi, je pense au gars qui a dit oui. Ouais, c'est plus lui le problème. Moi, je pense qu'ils sont allés à l'inverse. Ils ont dit, ce qu'on veut, c'est pogner avec les jeunes, puis les jeunes aiment l'absurde. Qu'est-ce qui est absurde? Mais c'était même pas absurde, c'était juste un... Ben, c'était cave. C'était de l'absurde catapulté. J'ai peur. Moi aussi. C'est comme l'exorciste puis cette pub, même combat pour ouais, moi. Ouais, là. Je comprends. Il te mord puis tu deviens Pitou singe bébé. Là. Moi, honnêtement, honnêtement, je pense que c'est une demande client. Ça, c'est clair. Il a fait comme on veut des pitous, on veut des singes puis on veut des bébés. Puis en fait, comme qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. On va faire ça. Puis le client fait comme c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ça. Mais il n'a pas duré longtemps. Laurence Payette, mesdames, ça messieurs. Ça se pourrait très bien. C'est très probable. Mais toi, en plus, t'es habitué. T'es dans le domaine. Je deal avec des petits singes bébés daily. Est-ce que tu peux me faire ça brun mieux? Imagine tous tes bébés puis tous singes bébés qui arrivent. Ben, c'est à peu près comme gérer une garderie. Là. Fait que c'est pas mal la même affaire. Pourquoi? Voilà, c'est dit. Florence, tu viens nous parler de quoi? Je suis allée voir The Blair Witch, qui est au cinéma. Hey! Elle est courageuse, on le sait. Mm-hmm, parce qu'il fallait une suite que personne attendait à un film que personne ne voulait, c'est-à-dire Blair Witch 2. Fait que, ben, je vais vous faire la... Et si ben, tu là, me permets, c'est pas comme Blair Witch 2 qui est sorti dans le temps, là. C'est techniquement la suite. C'est ça. Parce que, le Blair Witch 2 qui est sorti en 2000, ça, c'était comme plus... une suite idéologique, une suite diégétique. C'est exactement, non, c'est le 3, comme l'a dit Mathieu. Merci. Voilà. C'est le 3? C'est le 3, oui. C'est pas le 2. Non. Mais c'est le 2 dans la diégèse, mais c'est le 3 avec extra-diégétique. C'est ça. Tout compris. C'est bon, OK. C'est ça. Fait que je vais faire une petite récapitulation pour ceux qui l'ont pas vu ou pour ceux qui veulent se remémorer les deux premiers d'avant. Trois étudiants prétentieux se perdent dans une forêt en cherchant une pseudo-sorcière dans les bois, puis tout ce qui reste d'eux, c'est des found footage. Ensuite, on a un autre film qui était différent, comme on l'a mentionné. Puis maintenant, on a celui-ci. Donc, on a... Je vais vous faire un petit résumé rapide du troisième. Le frère de la cinéaste prétentieuse du premier décide qu'elle a peut-être encore en vie après avoir passé 20 ans dans les bois, puis part la retrouver avec ses amis aux compétences cognitives aussi douteuses que lui sans le dire à personne. C'est important de dire sans le dire à personne. Ah oui. Puis ils se perdent dans les bois. Puis ils échangent. C'est étonnant, hein? Puis ils échangent leur vie contre des fan footage. Puis je trouve que sérieusement, échanger sa vie contre des fan footage, c'est pas le meilleur bargain. Moi, j'aurais rajouté des pogo, mais c'est juste moi. Attends, mais t'apportes quelque chose de super intéressant, je trouve. Par exemple, ça aurait été vraiment cool qu'il rase le bois de Blair, puis qu'il fasse un centre d'achat, puis que ce soit le Blair Centre d'achat Witch Project, non? Le Blair Mart. Blair Mart Project. Moi, je j'achète. Puis c'est des étudiants qui se perdent dans un mart. Ouais. On non, dans un Stitches. Puis là, ils sont condamnés à mal s'habiller. Meilleur que le troisième. Je veux voir ce film-là. Faut qu'on le produise. Moi, je vais être pris dans les ailes de la mode, sérieux. C'est bon, ça. Fuck up. Hot topic. Tu parles beaucoup trop puis t'as trop d'opinions, je pense. Je peux-tu aller aux toilettes? Vas-y. Moi, je préfère que tu sois là. Comme oui, ça, on a plus d'interactions. Alors, on a notre équipe, qui est le frère aux capacités cognitives douteuses nommé James, la fille qui est clairement un love interest nommé Lisa, la première offrande sacrificielle et meilleure amie de James qu'on nomme Peter, qui s'écrit réellement comme pété. Est-ce qu'il est noir? Oui. Je le cacherai pas. La deuxième offrande sacrificielle est blonde de pété qu'on nomme Ashley. C'est sûr, c'est elle qui a les plus grosses boules. Non, mais c'est la noire 2. C'est Peter qui a les plus grosses boules. C'est Peter qui a les plus grosses boules. Effectivement. Puis deux pecnos du coin nommés Lane et Talia. Et je tiens à préciser que si c'était une équipe de D&D, ils perdraient des points d'XP. Alors, voici ce que j'ai appris. T'as beau amener toute la technologie que tu veux dans les bois, quand ton title screen, c'est « On a retrouvé ça en 2014 dans les bois », on sait tout de suite que la sorcière de Blair s'en sac de ta technologie. Les arbres n'aiment pas les drones. Fait que si tu n'aimes pas les drones, tape des branches. T'es clairement à deux jours de ta retraite si tu agis comme une graine dans une forêt hantée. Hashtag Black Lives Matter, certain, mais hashtag la sorcière est raciste. Oh. Ben, mais moi, je pense plus que. C'est ça, je pense plus qu'être un monstre de film d'horreur. Là. C'est le code qui veut ça. Là. Oui. Tu commences avec ceux qui sont foncés, puis ceux qui prennent de la drogue, puis ceux qui couchent. Ou par Paris Hilton. Et les filles. Et les filles. Mais Paris Hilton, elle couche. Et c'est une fille. Ben, c'est une fille. Ou par ceux qui sont vraiment des graines dans des forêts hantées. Puis fait comme... Mais moi, j'aimerais savoir la définition de graines dans une forêt. Ben, je suis sûr que tu es capable de l'imaginer. Oh, regarde. vous pour... une grosse graine qui se promène dans le bois. C'est ce que je suis. Ouais, pas mal ça, là. Vous pourrez bientôt admirer sur vos écrans, à l'émission de Bien Belles Choses, la sorcière de Blair qui nous montrera comment faire des poupées vaudou avec du branchage puis de la corde d'arôti. La forêt de Blair est une forêt où poussent les moments chats. Ça, les moments chats, c'est des moments surprises où ben, c'est des jumpscares. En first person, y'est-tu fait encore en found footage? Il est encore fait en found footage. Mal de cœur de Chris. Pas vraiment, non. Plus somme. C'est ça. Tu regardes l'écran et tu fais comme. Il semble que c'est là que j'irai dormir. Puis ouais. Ben, moi, le premier Blair Witch, j'ai trouvé ça excellent la première fois et j'ai pas été capable de le finir la deuxième fois. T'avais peur? Oups. Ben, c'est. Non, c'est... il s'est endormi. Ah. Non, c'est plate en Chris. Moi, je l'aime. Quelqu'un qui dit il y a de la glu bleue sur notre sac, la première fois, c'est hot, mais là, après ça, la deuxième fois, tu l'écoutes, tu te dis, ben là, ça veut rien dire, tu nous fais perdre notre temps encore. Moi, la deuxième fois, j'ai pris l'optique que la sorcière n'existait pas, puis c'était deux gars qui essayaient de mener une fille dans le bois pour la tuer. Ouais! C'est la meilleure manière à regarder cette famille. Ah, exactement. Voilà, on a des nouveaux Étienne dans la. Mais finalement, c'est donc. Alors, le moment que notre équipe a choisi pour aller dans une forêt maudite est justement le temps de les récoltes des moments chats. Et voilà. Fait que, allez-y pas, ce qui est le plus épeurant, c'est vraiment des moments chats. Traverser un cours d'eau en enlevant ses chaussures et ses bas, on appelle ça courir après les blessures. Oui. Aussi, à de bien belles choses, on peut patcher une blessure qui pisse le sang avec quelques band-aids et beaucoup d'espoir. Puis du crachat. Crash. Non, là-dedans, ils font juste comme mettre plus d'eau dégueulasse sur une plaie ouverte. Ah, c'est sûr, ben oui. Ça nettoie. Dans la forêt de la sorcière Blair, on n'entend pas une épée qui vient en arrière de nous, mais on peut entendre les bruits de blessures dégueulasses qu'on s'est infligées en traversant un cours d'eau comme un épée. Parce que les micros fonctionnent comme ça dans la nature. La première chose à faire, quand ta règle numéro 1, c'est « sac pas ton camp tout seul dans les bois », c'est de sacrer ton camp tout seul dans les bois. Un à la fois, oui. Un à la suite l'autre, pour faire durer le plaisir. Les bois de ce film-là abritent des sorcières nudistes qui ont des reflux gastriques. Oui. Tu vois, j'ai envie de l'écouter juste pour ce bout-là. Tu vas attendre longtemps juste pour ce bout-là. Ouais, c'est bon. Tu peux faire fast-forward. Bah, je ne paierai pas pour non plus. Non, non, c'est tu ça. L'empruntes au Vidéoclub Torrent. C'est ça, on se comprend. À l'émission Manon, tu m'inspires. La maison de la sorcière Blair a besoin d'un sérieux coup de duct tape et est illuminée par des lumières de pick-up lors des orages. Les trappes à tweet de la maison de la sorcière Blair ont des sorties de secours pour personnes minces. Fait que je suis faite. Si tu peux te faire attaquer par l'œuvre de bruiteur fou. Hein? Et si tu veux survivre, faut que tu ailles en punition dans le coin pour toutes les niaiseries que tu as faites dans les bois. Vous, campeurs qui nous écoutez, vous savez quoi faire, bande de petits sacripants. Bref, si vous avez vu le premier... Tenez-vous loin de ce film-là. Puis si vous allez le voir, puis que vous êtes tanné de voir des personnes qui crient dans les bois, rappelez-vous que la sorcière de Blair est comme vous autres. Laissez-y 2 heures, puis elle va faire l'affaire. Ça va être ketchup. Merci, Florence. J'aime ça qu'elle nous amène des nouvelles récentes, des critiques de films actuels, qu'on pourrait aller waster 20$ à perdre une soirée là-dedans, à penser que... Merci, Florence. Tu te sacrifies pour le groupe. Hein? Faut écouter ce qu'elle dit. Tu es prête pour le prochain chroniqueur? Oui. Alors, la Bolduc 3000, mesdames et messieurs. On va maintenant se détendre un peu. J'ai une chanson avec moi, si tu peux la faire jouer, s'il te plaît. Donc, ça s'appelle Nebula. Vous entrez dans une zone confortable. Un univers à part entière. Une plage entièrement claire. Un délice rempli d'audace. Soyez à l'affût avec l'instinct de parateur, puis attendez. Attendez encore. Que votre esprit se concentre sur un point, puis visualisez-le. Visualisez un point dans votre esprit avant que votre esprit devienne difficile à se concentrer. Concentrez votre avenir. Visualisez votre passé. Vous êtes vraiment la personne que vous pensez être? Êtes-vous l'humain de l'avenir ou du regret? Regrettez-vous d'être né, mais pas encore de nouveau? À nouveau, posez-vous des questions sur la planète. Planète bleue, planète noire, planète blanche, planète invisible. Invisible son, image sans son sens visible. Ta photo sans visage se saisit, insaisissable. Tu n'es plus que toi-même, aucunement satisfait. Où est-ce que tu as mis ta conscience? Où as-tu caché la personne que tu séquestres en toi, dans ton imagination? La réponse n'est pas donnée. Cependant, heureusement, nous pouvons terminer ce message immédiatement par une très importante nouvelle que nous allons partager récemment. Récemment, infiniment de gens ont excessivement ressenti un stress uniquement dans leur moment de détente. Particulièrement dans les cas de stress, il est recommandé de boire beaucoup d'eau. Jadis de la bouette. Oui, beaucoup de bouette. Vous nous dites des choses que nous nous sommes déjà dites avant. C'est vrai. Toutefois, ne nous sommes pas nous-mêmes vus en soi comme nos ancêtres ont vu l'avenir. Parce que nous avons pas déjà noué avec nos notions de dire. Non, non, nous sommes assez montrés comment nous pouvons nous nouer nous-mêmes sans nous soumettre à une autre notion de déjà non dit. Merci. Damien Blasbouchard, mesdames, messieurs. Et d'ailleurs, j'en profite, il aime pas ça qu'on en parle parce que c'est deux projets totalement différents, mais le Superflux vient de recommencer sur les ondes de CISM. Me semble. CISM, Damien? 89.3 FM. Le Superflux, c'est son émission. Il fait ça. Le dimanche à 17h. Et voilà. Donc, c'est celui de la gang qui a droit de parler à le monde qui sont stockés dans le char. Et ça, c'est un privilège qui va se perdre tranquillement. Parce que j'ai quelque chose à vous annoncer avant qu'on aille plus loin, qui est une nouvelle heureuse, qui va être une joie pour tout le peuple. Car, en cette nuit la plus sombre, une association est née. Et maintenant, 70%, qui est toujours et sera pour toujours le podcast de Seuss qui donne le strict minimum, fait partie du catalogue premium des productions podcasts. On est donc en train de vous annoncer une association qui devrait être financièrement profitable et surtout créativement stimulante avec un nouveau catalogue de podcasts qui existe au Québec. 70% fait partie des productions podcasts, mesdames, messieurs. Oui! Pour l'instant, vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite à avoir Google sur votre ordi. En attendant... Comment ça se passe sur ton bord, toi? Je sais pas, toi, comment ça se passe? Ben, moi, je vis mon 10e anniversaire d'un show que j'ai commencé à bout de bras, là, longtemps. Ouais. J'étais avec un de mes meilleurs amis, une chicks. Il y a comme plein de monde que je trouve super cool dans la salle. Touche-moi. Yeah! Yeah, je suis la chicks. On est prêt à passer au prochain! C'est bon, je voulais juste être sûr, là, tu sais. Ah, Bruno, ouais. Fini ce 70% merveilleux. Certainement. En Espagne, un conducteur de train qui ne voulait pas faire d'overtime a décidé d'arrêter son train à 300 km de sa destination. L'homme a ensuite quitté le train, laissant 109 passagers coincés pendant une heure avant qu'un autobus vienne les chercher. Les passagers se sont fait rembourser leur billet. Il est parti avec les clés, genre, peux-tu comme... Mais il y avait personne d'autre pour le conduire, tu sais, je pense que ben ça là, prend une formation. Ben là, un train, Chris, t'avances ou t'avances pas, là? Tu passes-tu, Tommy? Ben là, il y a deux pitons. J'ai vu toutes les Lucky Luke, man. Ça avance ou ça recule? C'est vrai qu'à Mégantic, peut-être qu'il serait pas d'accord avec toi, là. Ben, too bon. Soon? OK. Domingos Montagner, un des acteurs de soap opéra les plus connus au Brésil, se baignait dans la rivière São Francisco avec une co-star féminine. Quand un courant l'a emporté, l'actrice a tenté de l'attraper sans succès. Elle a alors commencé à hurler à l'aide, mais les autorités sur place n'ont pas agi car elles croyaient qu'il s'agissait d'une scène de la populaire émission qui était en train d'être tournée. L'acteur de 54 ans a été retrouvé sans vie quelques heures plus tard. L'acting a tué quelqu'un? Oui. on savait pas, mais on s'est rendu là, Tommy. C'est débile. Ouais. Eisenstein, il y a du monde qui sont morts dans ces tournages. Ça arrivait jusqu'à des années 70, du ça monde qui meurt. Ça arrive encore? Ben, beaucoup moins. Ben, ouais, ça arrive encore ça, trop, là, dès qu'il... Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, c'est l'inverse. Là, c'est le contraire. C'est quelqu'un, à cause qu'il était acteur, dans... c'est débile. Là, tu viens de nous raconter ça, ça a pris 30 secondes. Ouais. Ça reste une des nouvelles les plus capotées de la vie, ça. Next. Oui, on s'en va tout de suite à la bonne nouvelle, 70%. Alors, réjouissez-vous, Amérique. Après les patates, les barres de chocolat, les burgers, les marshmallows, le beurre, les pickles, voici enfin l'ultime chose à faire frire. En effet, un chef américain, Jonathan Marcus, a trouvé un moyen de faire frire de l'eau. En entourant l'eau d'une membrane gélatineuse, en la roulant dans la farine, les œufs et la chapelure, et en la faisant frire dans l'huile d'arachide à 200 degrés, le chef aurait affirmé « C'est l'affaire la plus plate que j'ai jamais mangée. » C'est génial! Fait que c'est un dossier de régler. C'est un dossier de régler, voilà. On peut frire d'autres affaires. On peut frire l'univers. Mais celle-là, c'est l'ultime, je pense. Ben ouais, ben ouais. Le prochain défi, c'est de rendre le granit tendre. Mais tu sais que, ça n'a pas rapport, ben ça rapport, là, mais il y a un gars qui faisait marcher son auto avec l'huile là, de la friteuse. Ouais, ouais, ouais, ouais, ben oui, du biodiesel. Ça prend à rien, là. Ouais. Je pensais qu'il était le seul au monde. Seul au monde. Fais-moi un câlin pendant que... Oui, un voleur qui est entré par effraction dans un YMCA d'Indio en Californie afin de voler l'argent de la classe. Cela dit, on pourrait mettre des guillemets à « argent » et à « caisse » car le voleur a en fait dévoré... Le voleur a en fait dérobé le faux argent qui se trouvait dans la caisse jouet pour enfants dans le YMCA. La police est toujours à sa recherche. J'ai pas plus de données là-dessus, non, Tommy, je le sais. T'as envie que je te nourrisse. Tommy, les meilleurs pour la fin. C'est ceux qui sont après, là, pas pour le prestige d'être celui qui l'ont trouvé. Ouais. Il était dans mon char, j'ai pu y parler. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Ah, de toute beauté. Ben oui, applaudissez-moi! Applaudissez surtout nos deux musiciens là-bas. On a Jeff Cardinal! Jocelyn Therrien, capoté, live. Je sais pas si vous savez, mais le bassiste, il travaillait aussi avec un certain band qui s'appelle Les Parfaits Salauds. Je vous conseille leurs albums, c'est du classique québécois invulnérable. Et Jocelyn Therrien qui a participé à tous les albums de Rock et Belles Oreilles et à tous les albums des Bleus Poudres. À cette heure, il me parle au-dessus, pis c'est mes chums, câlisse. Dizaine de show, Living the Dream. La star, parle-moi de ton show. C'est quoi qui se passe? C'est les mercredis à 20h au backstage, studio backstage. Et voilà. C'est sur Papineau, c'est sur Sainte-Catherine, coin Papineau. Excellent. Pas exactement le coin, t'avances un peu. Merci beaucoup, Sinem, s'il vous plaît. Là-dessus, hein? Et je remercie tous les chroniqueurs, les participants, Bruno en particulier, mais en même temps, hein, ça. C'est comme de très bon ton d'insister sur le fait que 10 ans de show, c'est sûr que c'est comme arbitraire. Mais en même temps, si on a décidé de calculer en base 10, ben ça a fait qu'on n'a pas fêté quand on a eu 6 ans de show. Et présentement, on a 10. Capoté. Ça veut dire que j'ai été capable de garder un projet pendant plus de 3 ans. Je salue toutes mes ex. Merci! Mon nom est Tommy Godette et dans quelques temps, je vais venir vous parler du long métrage de la soirée. En attendant, je vais devenir VJ avec Maxime Soriol. Vous avez écouté 70% et voilà, on passe la POC à Cinem Cara, s'il vous plaît. Comment ça va? Ça va bien? Hey, c'est le fun, il y a de plus en plus de monde. Là, on a commencé avec 2 personnes, là, on est 3. Non, c'est pas vrai. Non, c'est parce que le monde n'y voit pas, fait que je me dis. Hey, comment ça va? Ah, c'est super. Hey, je veux juste vous rassurer, moi, j'ai déjà eu une vraie job, OK, dans la vie. Ouais, je donnais des cours de théâtre à des trisomes, des... Caroline, des... Ben voyons. Des adolescents! Genre, j'aimais ça. Non, c'est vrai, j'aimais ça, puis il y en avait un en particulier que j'aimais beaucoup, et il s'appelait Martial. Je l'aimais parce qu'il y avait un char. Ouais, il me faisait des livres jusque chez nous, fait que... C'est pour ça que je l'aimais. Puis durant nos livres, j'ai réalisé que Martial, il y avait un petit kick sur moi, OK? Il y avait un petit kick sur moi. Fait que là, j'étais... Ben, arrête de jaser, arrête de participer, là! Oui, c'est toi, je t'entends depuis tantôt. Il y avait un petit kick sur moi, fait que là, je me suis dit, bon, je le dévierge-tu. Puis c'est à ce moment-là que moi, dans ma tête, OK, il y a 3 consciences qui embarquent. Il y a ma conscience, il y a le démon québécois, puis il y a l'ange musulman. Okay? Ma conscience me dit, touche pas à ça. Détournement de mineurs, procès, c'est pas bon, OK? Le démon québécois, il me dit, fourre-les. Ah! Mais fourrer comme t'as jamais fourré, c'est peut-être la seule fois de sa vie qu'il va goûter à l'Orient, tu sais. Puis, il y a l'ange musulman qui me dit, fais le djihad, fais le djihad. Je suis comme, pourquoi je ferais le djihad, tu sais, je suis une fille. Qu'est-ce que je veux gagner, moi, après ça, 50 puceaux? Non, merci! Tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec eux autres, moi, genre un concours de Diablo? Fait que finalement, j'ai décidé d'écouter ma conscience, parce que comme on sait, toutes les relations malsaines finissent mal, puis moi, je voulais pas perdre mes lèvres. Fait que j'ai décidé de lâcher l'enseignement après ça, parce que c'était pas fait pour moi. J'ai décidé de devenir humoriste à la place, malgré mon père, parce que la lapidation n'est pas encore légalisée au Québec. Ça, c'est une bonne affaire pour moi! Non, mais c'est vrai, regarde, j'entends beaucoup le monde dire « Ah, ça doit pas être facile, là, être une femme musulmane au Québec, tout. » Je suis comme « C'est sûr, c'est pas facile. Moi aussi, j'aurais aimé ça, vivre comme une blanche, me faire percer le nombril, acheter des G-strings à 11 ans, mais j'avais pas le droit. » C'est pas vrai. Non, mais Jennifer, ma chum, elle faisait ce qu'elle voulait, OK? Ses parents étaient divorcés, elle s'en colissait. Chez son père, OK, elle faisait des pool parties. Tout le monde en bikini, de la bouffe, s'amusait. Mon père voulait pas que j'y aille. Il me dit, ils vont finir en enfer. Finalement, ils ont fini à occupation double. Fait que je me suis dit, peut-être. Non, mais. Exactement. Peut-être que mon père avait raison. Parce que pour vrai, j'ai regardé le Facebook de mes amis, puis j'étais comme, what the fuck? Genre, enceinte à 17, 18 ans, j'étais comme, l'abstinence paye, tu sais. Moi, j'ai décidé de rester vierge jusqu'au mariage. Jusqu'à ce que j'apprenne que la reconstruction de l'hymen existait. Yo! Yo, j'ai défait ma laisse. Un Éthiopien devant les chutes Niagara, man. J'avais soif! Non, mais ça n'a pas duré longtemps parce que mon père a décidé de me marier. J'avais 15 ans. Mon mari en avait 50. M'a acheté pour 3 chèvres puis un pot d'olive. Mais un assez de gros pot d'olive, là! Mais finalement, mon père m'a repris parce qu'il y avait une des chèvres qui était malade. Fuck off, je la reprends! Entre-temps, j'ai aussi arrêté de parler à Jennifer. Non, problème culturel. Elle m'a dit, tu manges pas de bacon. Fuck off. Elle est partie. Vous savez, être exotique, ça vient avec de la pression. OK? Toujours ce nuage au-dessus de moi qui me dit, comme, oublie pas d'où tu viens. Oublie pas tes ancêtres. Je viens de la Turquie. L'Empire ottoman, le berceau de la civilisation. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous me devez tout. Mais là, quand je dis tout, c'est tout. Là, c'est votre pays, votre... Non? Non, c'est pas prétentieux. Je te dis, c'est pas prétentieux, c'est historique. J'explique, OK? Christophe Colomb, t'es allé chercher des épices en Inde. Les Turcs, l'Empire ottoman, l'a arrêté. Il a dit, tu peux pas passer par ici, il faut que tu payes tes taxes. Là, Christophe Colomb, il a dit, moi, je suis espagnol, je suis crissement cheap, m'en faire le tour par l'autre bord. Il a fait le tour, il a découvert l'Amérique. C'est pas moi, c'est mes ancêtres. Et si seulement c'était toi, parce que vous nous devez beaucoup de choses, les baklavas. Les baklavas, les monsieur moustachu qui tuent trop longtemps au Tim Hortons. Et nous avons les pique-niques de 40 personnes au lac des Castors. Les mariages dans les sous-sols d'église, c'est les Turcs. Jamais on va rentrer dans une église, mais si c'est pour économiser 5 000 $ de salle de réception, on va s'en colisser. On est un peuple économe. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne s'entend pas bien avec les Juifs. Là. On a tellement de choses en commun. Genre, tout le monde nous déteste, fait qu'aussi bien s'entraider, tu sais. Parlant d'entraide, j'attendais l'autobus l'autre jour. Il y avait une femme juive enceinte à côté de moi, puis là, tu sais, on jasait, on monte dans l'autobus, je l'ai aidée. Puis là, sujet amène un autre, je dis, comment vous allez l'appeler? Elle dit, oh, je peux pas le dire, ça porte malheur. J'ai dit, t'as peur qu'il soit palestinien? Elle l'a pas trouvé drôle! J'ai dit, crème, va falloir que j'enterre ce malaise par un autre joke, tu sais. Fait que j'ai dit, gars, au pire, tu crisseras un mur entre lui et toi. Je suis allée là. Et ça s'effacera pas de sitôt. Fait que, bonne soirée. Puis merci, les douteux. Joe Pirate, pourquoi pas les deux? Courageux de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Un chihuahua qui est dans une porche. Un gouvernement qui contrôle ma poche. Un robot du futur qui veut du beurre de peanut. Se brûler au bronzage, c'est considéré hot. Tu veux tout pour plaire. Ça, c'est... ma première performance de chanteur dans une chanson. On l'a lancé, vous avez pas pogné ça parce qu'on était au FME, on a fait quatre émissions assez magiques avec Bruno, Élise et tous les amis de l'Abitibi qu'on salue bien bas. Beaucoup de gens des productions podcast. Je sais pas trop c'est quoi qui va arriver avec cette chanson-là, mais Jocelyn, pendant que t'es là, merci beaucoup. Jocelyn Thérien, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, la toune existe. On veut pas vous loader de ça parce que le VJ est déjà rendu ici. Et à partir de maintenant, on va vous abreuver de ce que vous aimez, c'est-à-dire des clips spéciaux. Moi et Maxime, on se partage la scène pendant 2 heures et je reviens vous parler. 70% à 10 ans et j'aurais pas vécu ça avec personne d'autre. Ouais, ben, je voulais vous remercier d'avoir permis de parler un peu de la parade. Je m'appelle Alexandre Sarfati. Vous m'avez peut-être déjà vu dans une pièce que j'ai jouée au Théâtre du Rideau Vert avec Paul Cajolet qui s'intitulait « La jachère » d'Émilie Bordelot. Alpha 42 vous est présenté par Amicash. Rendez-vous sur amicash.ca/radio et inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour obtenir votre crédit Amicash de 6$. Amicash, achat brillant, remise comptant. C'est fou, je suis en train de faire le VJ avec l'excellent Maxime Sauriol, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Le gars, il connaît son schedule en sapristi et une fois de temps en temps, il vient nous prêter son talent, ses trouvailles et ses niaiseries. Merci Maxime, ce fut un privilège. J'ai aussi eu l'honneur d'être votre VJ. Je suis allé un petit peu, surtout dans des clips qu'on a fait à l'interne. Ça fait bien sûr 10 ans que 70% existe. C'est très intimement lié à douteux.org, mais en même temps, quand est-ce que ça devient un problème d'avoir trop de raisons de fêter? J'ai jamais rencontré ça. Tout comme, mettons, oh non, on peut pas sauver cette chicks-là, on est loadé, genre. Non, non, s'il vous plaît, on ne sauve pas la femme. Donc... Mon nom est Tommy Godette et comme la demande y a été, je pensais qu'on vous dérangeait avec ça et j'ai eu plusieurs demandes qui nous disaient « Sont où les encans? » Les encans, c'est né pour la première foire de l'absurde. On était automne 2008, si je me souviens bien, peut-être 2007. Et j'ai demandé à Étienne Forêt, DJ Georges, de faire l'encanteur. Parce que le musée de l'absurde où j'habite, c'est un endroit qui est... Moi, je vois ça comme un gros drain. Hein? Au fur et à mesure, les choses lourdes descendent, les choses ignorées descendent, et à un moment donné, ils viennent chez moi, au musée de l'absurde. Et à partir de là, ben, on se dit, est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la vend? Est-ce qu'on l'expose? Est-ce qu'on la brûle? Et ce soir, on a quelques petits objets pour commencer un renouveau de l'encan qui va maintenant faire partie intégrante de 70%. Étienne, s'il te plaît, ma charmante hôtesse, ça fait la plus sexy de toutes les femmes à barbe. C'est pas vrai. Toutes les femmes à barbe sont plus sexy que toi. Donc, à partir de maintenant, on est en face d'un T-shirt qui semble monochrome bleu morne. Et tu le revires et il y a une référence à la personne qui a compris c'était quoi la référence et qui va finir en me donnant 12$ pour le T-shirt. En attendant, voilà, Étienne qui parle pendant que quelqu'un d'autre est au micro. Nouveau concept! Et voilà. Donc, Moi, ce que je veux, c'est des papiers avec du monde vraiment laid dessus. Il y a comme une reine qui est la nôtre. On la partage, on l'aime beaucoup. Il faut lui prêter allégeance dès que tu as du pouvoir et des couilles. Christ, que c'est bien fait. On a aussi un orca. Est-ce que vous saviez que, en fait, l'orque, le killer whale, c'est le mammifère supérieur, le seul qui est monogame? C'est un des animaux, animacator, les plus intelligents de tout le règne animal. On est dans le top 10 et c'est le plus proche du sommet du top 10 qui est monogame. Je n'inclus pas l'être humain là-dedans. Je veux du cash, là, Chris. On accepte l'argent Canadian Tire. OK. Il n'y a personne qui dit rien. C'était pas hot, mon préambule, là. On fête 10 ans jusqu'à temps que je ferme ma gueule, genre. Y a-t-il quelqu'un qui a dit de l'argent? Okay. Quoi, t'as dit? 1$. On sent la générosité qui pue. On a donc un 1$ là-bas. 4$, et c'est bon, le gars, il a dit, je passe pas la frontière du change. 5$, on vient de trouver un combat. Est-ce qu'il y en a un qui va mettre un masque ou faire des grimaces? 5$ une fois. C'est un T-shirt avec des références que seul Étienne comprend. Je te le fais à 4$, pas avec. Ah, on a du plaisir, hein? C'est capoté. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai interviewé Vincent Le Métivierge. C'est le petit frère de Guillaume Le Métivierge, le grand frère, celui qui pogne le moins des Le Métivierge. Et il était avec son band qui s'appelait Les Belvédères. Et cette année-là, ça a donné que Les Belvédères faisaient un show à Cadillac en Abitibi et je suis monté pour aller faire un spectacle en Abitibi. Et j'ai trouvé des publicités, en tout cas. Ils nous ont obligé à passer Marcia Baila, leur version qui était exactement pareille avec le même nombre de musiciens qui faisaient les mêmes partitions. Comme ça a été un des pires moments que j'ai vécu de toute ma vie à 70%. Être obligé d'endurer encore cette hostie de toune de calice pour faire plaisir à une semi-vedette qui fait la split. Là-dessus, on jase des vraies affaires. J'ai un micro. OK, ça, c'est un casse-tête. Ça a été officialisé comme étant complet. Les 100 morceaux sont là. Qui ne s'ennuie pas de Data et de son air de anal beads? OK, fait que tu me donnes de l'argent ou tu avais juste besoin d'attention? OK, parce que moi, j'ai un organisme à but non lucratif à faire runner, puis à date, j'ai 4$. OK. Ah, t'as donné 5, là, je te dois une, là. Il y a juste Étienne. OK, on est à? J'ai quoi là-bas? OK, j'ai 1$. On vient pas de perdre notre temps, personne. 1$ une fois. 1$ deux fois. Je vous garantis que peut-être que si vous êtes allergique au chat, il va vous faire des démangeaisons. C'est une des pires garanties que j'ai faites de toute ma vie, ça. Ma mère est même pas si grosse que ça. Va y donner, calice, là. On fera pas une pièce avec quelqu'un qui est assez cheap pour donner une pièce, là. OK. Je suis très bon en canteur. OK. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, c'est très désagréable ce que je suis en train de vivre. OK. C'est un roman qui a redonné un nouveau à la carrière de Tom Hanks. Et si vous me donnez pas au moins 3$, ça veut dire que vous haïssez Tom Hanks. Qui haït Tom Hanks? Qui me donne 3$? 5$ là-bas pour le gars qui a pas de TV. 5$ une fois. Tout le monde aime Tom Hanks. 5$ deux fois. Je vais y envoyer le clip. Il va envoyer des assassins, hein? Il y a l'argent, il y a le pouvoir. 5$ trois fois, va y donner, pis tout! Ah ouais! On aime ça, les encans! Chris, que je suis bon, man! OK, ça, c'est utile. Ça, c'est toutes les couleurs à la mode. On reconnaît le pastel du bleu à orange. Bien entendu... Ta blonde regrettera absolument pas ton choix d'investir dans cet objet de collection unique. C'est du bois. Du bois. Peint. Ça fit. On l'a, ouais. Calisque, hein? C'était secret, je t'avais dit. Donc, qui veut avoir un rack à outils d'écoutage audio archaïque et néandertalien? Genre? 20 $ 21 $ tabarn. Ah non, t'as dit 1 $ Ah, tabarnak, hein, mais je vais pas le mener. 5 $ Bon, j'ose, c'est un laurier! Le gars, il paraît que c'est notre plus grand PM. Comment? 7 $ c'est bon. 8? 8, c'est bon, c'est bon. 8 $ Est-ce que vous savez que ça se download des MP3? On est à 9 $ le gars, il sait pas, lui. Internet, ça coûte de moins... Quoi? 10, on vient de passer le mot! Fallait applaudir, là, je me donne, tu sais. Calvaire! 10 $ Moi qui pensais le défaire à coups de batte sur le stage. 15 $ ouais, c'est bon, parce qu'à 10 piastres, je l'aurais défaite à coups de batte sur le stage. On est à 15 $ pour... ça a été récuré, hein? Il n'y a aucune punaise de lit ou malaise là-dessus. Qui veut payer 20 piastres pour qu'il dépense avec un batte? 15 ouais, 20 piastres, je le défais à coups de pied, man. J'y vais, lutte, pis tout. Je vais avoir des bleus, mais lui, il survivra pas, le tabarnak. Jaillit de quoi qu'il a l'air. Vous pouvez vous coter si vous voulez. Sinon, c'est 15 $ une fois! Pour 20 piastres, il demande à coups de pied. 15 $ deux fois! Je t'aime, maman. Décalisse. 15 $ trois fois vendu, ouais! Qu'est-ce que je fais pas que Toto fait, t'sais? J'ai rien entendu! Ouais! Ouais. Donc, on est rendu au bout tranquillement. Hein? Y a-t-il un malaise encore qu'il faut se départir de? Le Yoku va être passé par l'excellente Barbara Alazar, qui est là-bas. Viens te montrer, le monde va aimer ça. Viens ici, c'est ça. Viens ici. Non, viens ici, viens là. Peux-tu repasser mon bouchon, genre? Elle est forte, j'aime ça. À partir de maintenant, on va baisser l'écran. Barbara va passer avec le Yuki. Vous savez comment ça marche. Je m'excuse si ma blague est dérapée parce que je suis en train de fêter mes 10 ans. Et ça, je dilate un petit peu ma zone de confort. Ouais. Donc, on va écouter quelque chose à partir de maintenant qui s'appelle « J'ai périclité ». C'est un petit peu ça. Je suis en train de me retaper tous les Godzilla en ordre chronologique. Les Godzilla, c'est quelque chose qui est né en 1954 et c'est beaucoup parce que les Américains ont colissé deux bombes atomiques sur un peuple qui pensait que la guerre, ça se faisait encore avec des bateaux. Genre. Godzilla, c'est... Merci Étienne, tu peux décrisser. Merci Étienne et Mathieu. Oui. 70% n'existe que grâce aux motivations conjuguées. La somme du tout est plus grande que mon bol de Frosted Flakes. Donc, Godzilla, donc, c'est un petit peu comme les pitbulls sont à la mode. Je vais y aller là-dedans. La Terre, c'est une maison et la maison a un pitbull. Le pitbull, il n'est pas nécessairement méchant. Mais si t'es un gros calice de météores qui vient d'une galaxie éloignée pour détruire tout ce que t'aimes et ta maison, le pitbull va réagir. Des fois, le pitbull, il gratte à terre puis ça fait que Tokyo est détruit. Genre, Godzilla, c'est la manifestation de la nature interprétée à la japonaise, épicée à toute la force radioactive qui était en mode en tabarnak, parce que je sais pas si vous savez c'est quoi la guerre froide, mais c'est cool que ce soit fini. C'est sûr, hein, y en a plus des missiles avec des têtes nucléaires. Donc, On se ramasse devant... moi, je suis rendu à la série Millennium. Je suis rendu en 2004 dans mes écoutes de Godzilla. Et de loin, celui qu'on va écouter ce soir, c'est le plus divertissant. Moi, j'aime ça, le fait que tous les gars en costume ont des fils d'accrochés après eux autres et tout. On ne les voit jamais. J'adore... Ben, ça, c'est... On rit, là, mais c'est quand même quelque chose que... Moi, je me rappelle, mettons, avoir vu... mon dernier fil que j'ai vu, je pense, c'est dans Air Bagnard, un film que tout le monde adore. Et là, il y a John Cusack, qui est à sa place en tabarnak. Il y a Bruce... En tout cas, on s'en calisse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 1964, on ne voyait pas les fils au Japon. Et ça, je trouve ça assez fantastique. Vous allez voir aussi que les sautes de monstres, rapidement, ça devient extrêmement comme tactile, attachant. T'as envie d'aller te faire donner une volée par Godzilla. C'est vrai, il a l'air tellement câlin. T'sais. Et puis, il y a une mythologie très deep. Je veux pas aller là-dedans trop ce soir. Mais à ce moment-là, on est au cinquième film de l'ère Shōsa. S-A-U-S-A. Ça a rapport avec l'empereur de l'époque. C'est sûr que c'était pas ça. Moi, je suis rendu à l'ère Millennium 2 plus tard. Là. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du premier Godzilla de 1954 et ainsi de suite... La série des films de Godzilla s'est ramassée à être un petit peu le greatest hits des films de kaiju, des films de monstres de l'époque. Et c'est pour ça que Godzilla est un petit peu comme le héros de ces kaiju-là, de ces monstres-là. Parce que Godzilla s'est ramassé à être le film, la série de films au centre de laquelle les monstres comme Mothra, les monstres comme Garuda, les monstres comme... Je parle à qui, là? En tout cas, que ces films-là se sont retrouvés dans des Godzilla. Souvent, c'est Godzilla versus. Là, ce soir, on écoute, à mon sens, à un moment donné, il y a quatre monstres géants. Il y a les maquettes, j'adore ça. J'adore les maquettes, j'adore le bricolage. Prenez le temps de remarquer, c'est du monde en soute. À l'époque, Godzilla faisait 60 mètres de haut. C'est un gars en soute qui faisait 60 mètres de haut, ta gueule, calice, là. Mon co-animateur, il aime la lutte. Fait que le gars en soute qui fait 60 mètres de haut, de nos jours, c'est un gars en CGI qui fait 160 mètres de haut. Fait qu'on est à une autre époque, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des gros buildings. Il y avait un Tokyo qui était godzillable. Genre, tu sais? Et toutes les notions au début, parce que souvent, c'est ce qui devient lourd dans le film, c'est qu'il y a comme des thématiques humaines dont on se calisse et qui ne seront pas dans la suite, parce que c'est Godzilla qui tape des gros monstres qu'on veut voir. Et dans le film de ce soir, c'est le moins désagréable, en plus de nous amener le mieux possible dans les meilleurs combats à plein de monstres. Je suis vraiment très content que la salle... Sois ici avec moi. Je compte une trentaine de personnes et je me touche un petit peu. On vient de vivre un 10e anniversaire de 70% et là-dessus, on va écouter mon préféré de tous les Godzilla. Si vous avez besoin d'un câlin, je suis là, mais je vais penser au film en vous en faisant un. Merci beaucoup. On est là lundi prochain encore, c'est sûr. Thank you.